Puissons commencer par essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire l'amitié. Ouais, c'est une question intéressante parce que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est qu'un ami. L'humanité a des concepts de ce que c'est qu'un ami. On parle d'une nation amie. Une nation amie pour les Américains, c'est sans doute un intérêt. Bon, les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et c'est intelligent, c'est correct, c'est convenable. Sauf qu'on peut parler d'amis, mais en fin de compte, il y a une personne qui me disait qu'elle s'était fait avoir par un de ses amis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un autre va me dire, oui, mais ça, c'est un ancien ami. Alors, est-ce qu'on peut ne pas être un ami, devenir un ami et cesser d'être un ami? Et lorsqu'une personne, lorsque deux êtres de sexe opposé se rencontrent, ils peuvent être amis. Mais souvent, on ne croit pas qu'ils sont amis. Hein? Lorsque une jeune fille de 16-17 ans sort avec un jeune garçon, les parents ne pensent pas qu'ils ne sont qu'amis. Alors, est-ce qu'il faut croire que lorsqu'une personne fait l'amour avec quelqu'un, lorsqu'une personne tombe en amour, s'il coupe avec quelqu'un, nécessairement, ce n'est plus de l'amitié. J'ai un ami de fille. C'est préférable de préciser pour ne pas qu'on pense que tu es lesbien ou encore que tu es homosexuel. Alors, il y a un paquet de mots qu'on va apposer sur le terme amitié qui, finalement, fait en sorte que l'humain ne sait plus du tout où l'on est. Et on va souvent dire, oui, mais est-ce que c'est important de savoir ce que veut dire un mot lancé comme ça au hasard? C'est que les mots servent à la communication entre les individus, donc si le mot n'a pas d'importance, cela veut dire que ce que l'on communique, ça n'en a pas non plus. Tu es mon ami. Alors, dans ta tête, si un ami, c'est un criminel, ben, il n'y a pas de problème. C'est important que les mots servent à communiquer une onde de forme, une énergie particulière qui permet à deux cerveaux, à deux consciences humaines, de pouvoir arriver à être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la télépathie n'étant pas, disons, très fort sur la planète, le vocabulaire, le langage oral, écrit et, disons, gestuel, visuel a été créé pour servir l'homme, et il est nécessaire quand même qu'on en arrive à s'entendre sur certains mots. Et autre chose aussi, c'est qu'un mot inadapté dans le langage d'un humain est la preuve d'une pensée inadaptée dans la conscience de l'humain. Si continuellement, à chaque fois que tu dis un mot, pour le renforcer, tu rajoutes un sac, un patois, hein, un tabarnak, un Christ, c'était Christement laid, c'était Christement beau, finalement, le mot sert à toutes les choses, il vient dans la conscience neuronique comme dans la conscience disons, vibratoire de l'humain, il y a un problème, c'est que l'humain a un vocabulaire aussi réduit que sa conscience et il ne peut pas prendre le temps et l'énergie nécessaire pour clarifier les choses. Donc, il n'aura pas un langage clair et il n'aura pas non plus une pensée claire. Il n'aura donc pas une conscience claire. Certains vont dire, oui, mais tu comprends ce que je veux dire, arrête donc de niaiser. Si on doit comprendre ce que l'autre veut dire, même si l'autre ne le dit pas, évidemment, il faut s'attendre à ce que de temps en temps, ce que je comprends que tu veux dire n'est pas ce que tu veux dire. Et si dans ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, il faudra comprendre aussi peut-être qu'à un moment donné, ce que tu penses n'est pas ce que tu dis. Donc, si ce que tu dis n'est pas ce que tu penses et ce que je comprends de ce que tu dis n'est pas ce que tu dis, bien, ce que je pense que tu penses est différent, maudit. Alors, le terme amitié, ben, c'est important d'arriver à mettre une énergie dessus, c'est-à-dire à mettre une définition énergétique, parce qu'on parle de définition du dictionnaire, mais une définition dans un dictionnaire, c'est pas la mer à boire. Il y a une définition étymologique, très intéressante. Amitié, bon, blablabla, selon les dictionnaires. Mais il y a aussi la définition énergétique, l'énergie cérébrale qui va être employée pour supporter le mot ami. Qu'est-ce qu'un individu, qu'est-ce qu'un être humain sous-entend énergétiquement lorsqu'il dit à quelqu'un, veux-tu être mon ami? C'est le fou dans le dictionnaire, savoir ce que ça veut dire. Il y a la façon de le dire, il y a les mots placés en avant, il y a le regard, l'intensité, la gestuelle, il y a le mot, la voix, la parole, le verbe, et c'est ça la définition énergétique d'un mot. Mais j'ai les 6 chiffres de la loterie. Ouais, dis pas que je suis ton ami, là. T'es ami. Quel synonyme qu'il pourrait avoir pour clarifier d'un jet. Disons humain. On met bien des choses ici sur le mot humain. Ouais, c'est humain. Toujours humain. Ouais. Être humain, nécessairement, tu ne peux pas faire autrement qu'être l'allié de d'autres êtres humains. Alors, un ami, c'est un allié. Et dans le sens de l'humanité, ben, si on parle d'amis, on doit donc parler d'humain. Tu ne peux pas décider d'être ou de ne pas être un ami. Tu peux avoir l'illusion de ne pas en être un. Tu peux avoir l'illusion d'en être un. Mais la preuve que les humains sont de toute façon amis, c'est-à-dire reliés de différentes façons, par différents principes, c'est que tu prends deux Québécois qui s'engueulent et qui saillissent, et tu les places quelque part dans un pays développé, dans la même région, dans le même village, où il y a de la guérilla rose, il y a un paquet de problèmes, et même s'ils saillissent au Québec, ils seront amis, là. Donc, ils ont toujours été amis. Le problème qu'il y a, c'est que le contexte ne le permet pas de le découvrir, étant donné que l'humain reste assujetti aux conditions du contexte, c'est-à-dire que l'humain reste tout à fait assujetti à l'illusion du monde extérieur. Alors, autrement dit, il est heureux, mais s'il pleut et qu'il veut du soleil, il est malheureux. Ce n'est pas lui qui est le maître et il est tout à fait assujetti à l'extérieur. Donc, dans un contexte particulier, deux amis peuvent s'engueuler, peuvent s'astiner, peuvent même s'entretuer. Et dans un autre contexte, ces deux amis vont travailler côte à côte. Ils n'auront pas le choix. Maintenant, ramène-les dans le contexte primaire. L'ego, la guerre des égos, va faire en sorte que, veut pas, à très court terme, il y aura un problème. Comme des problèmes de stationnement souvent. Bon, une Nissan bleue, 770H665, serait à déplacer, étant donné que notre portier a sifflé, elle n'a pas voulu se déplacer toute seule. Elle est sans doute devant une porte de garage. Si ça appartient à quelqu'un d'ici, on y va. Alors donc, l'amitié. Être allié. Allié veut dire aussi alliage. C'est intéressant. Amitié, ami, et ça provient du mot amour. Mais il y a des différents problèmes. C'est que l'humain ne sait pas ce que c'est que l'amour, parce que l'humain, c'est comme l'amitié, on l'instruit de ce que c'est que l'amitié. Alors un jour, on prend un enfant et on lui dit qu'est-ce que ça doit être un ami. On lui dit qu'est-ce que c'est supposé faire quand t'es un ami. Oui, mais c'est ton ami, ça, tu devrais lui prêter tes jouets. Alors lentement, on stéréotype une condition planétaire pour essayer de la rendre sociale, c'est-à-dire que l'éducateur, normalement, éduque l'enfant de ce que c'est qu'un ami en fonction de ce que l'éducateur a besoin de recevoir de l'enfant. Celui qui a dit « tu ne voleras point » était celui qui avait le plus peur d'être volé. Alors, il a instruit les autres de ne pas voler. Alors, il peut dormir en paix chez lui. Alors, si je dis « oui, mais tu devrais prêter, tu devrais partager, tu devrais faire ceci, faire cela », normalement, on éduque en fonction de ce que l'on veut recevoir. Et d'ailleurs, la société éduque ses citoyens en fonction de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas que les citoyens fassent. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le phénomène d'intelligence. Tu ne dois pas tuer, c'est évident. Mais en cas de guerre, tout change. Si un être humain commet un meurtre, tue quelqu'un, c'est un meurtre. Mais si toute la nation tue des gens, c'est plus des meurtres. Ça n'est pas une guerre. Alors, il y a des choses qui sont pardonnables quand la gang y participe, la collectivité, et qui sont tout à fait répréhensibles quand c'est l'unité qui participe. C'est la même chose. Alors, amitié. Dans le langage de l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'il y a... L'être humain n'a pas le choix d'aimer. Ça, j'ai déjà expliqué dans différentes conférences sur l'amour intelligent que l'amour, c'est un peu comme de l'air. Il y en a partout. Hein? Le plus laid des humains peut être aimé et il peut aimer. Le voleur, le criminel, va avoir un ami, une amie. Et il sera aussi aimé, un chien, une plante ou un autre. Hein, on a des criminels. Bon, prenons l'exemple en prison. On a beaucoup de criminels en prison. J'ai fait des conférences en prison. Et je n'étais pas interné, mais enfin, j'y allais. Et puis, c'est courant que si on a un adulte qui a commis un meurtre d'un enfant ou un viol, quelque chose comme ça, bien, on doit le séparer des autres criminels parce qu'ils ne vivront pas vieux. Alors, ces criminels sont donc capables d'aimer. Et ils ont un code moral, un code d'éthique, qui fait que tu peux tuer un adulte, que tu peux tuer des personnes de mafia, que tu peux tuer ceci, que tu peux poser des bombes, mais tu ne dois pas faire certaines choses. Comme s'attaquer à des enfants. La majorité des criminels vont être prêts à faire une guerre à mort contre ce genre de choses. Alors, l'amour, il est partout. Sauf que l'humain, dans son orgueil, décide de prendre quelque chose qui est partout et de le focaliser, et il va décider, lui, où ça va aller. Alors, je t'aime, et lui, je ne l'aime pas. Je lui, je décide. Et nécessairement, cette ombre d'amour, cette illusion d'amour qui commence à diriger le cœur ou la conscience amique, la psychologie de l'humain, fait en sorte que l'humain, veut pas, finit par se heurter à des murs immenses, un mensonge cosmique, une irréalité véridique, c'est-à-dire que le mensonge partout, l'ignorance, l'absurdité, ben, l'humain appelle ça la vérité. Alors finalement, l'amitié, c'est un peu la même chose, sauf que l'amitié a été moins galvaudée parce qu'on n'a jamais, on prêche l'amour sur la planète, mais on ne prêche pas l'amitié. C'est un petit peu comme ça, mais très peu, et une chance, pour l'instant. Ce serait quoi la différence entre l'amour et l'amitié? Bon, faut s'entendre. L'amour tel qu'il est vécu sur la planète Terre présentement, c'est de la merde. Bon, l'amitié, c'est quelque chose qui est connu entre l'humain à l'insu de l'humain. Tu ne sais pas que tu es en ami ou en amitié, tu ne sais pas. Tu sais que tu es en amour. À l'instant que tu sais quelque chose, nécessairement ton ego s'en empare, il veut le projeter dans l'avenir, et l'ego ne veut plus le perdre, tandis que l'amitié, ce n'est pas pareil. Si tu tombes en amour avec ton ami, tu ne voudras plus le perdre et tu vas nécessairement commencer à le manipuler. Lorsque deux humains sont amis ensemble et qu'ils décident de vivre ensemble, normalement, ce n'est pas long que les chicanes commencent. Pourquoi? Parce qu'on finit par conditionner les choses. L'amitié est déjà conditionnelle. « Oh, mais je peux pas, ton ami ne connaît pas. » C'est déjà conditionnel. Première condition pour être ami, je connais. Sauf que l'amitié, lorsqu'elle est non voulue, hein, lorsque deux individus qui ne se connaissent pas se rencontrent la première fois, dialogue 5, 10 minutes, 15 minutes, et soudainement, ils ont l'impression de s'être toujours connus, bien, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à être amis. Mais si tu recherches un ami, ça peut être pas plus pénible. Pourquoi? Parce que tu stéréotypes le contexte. L'amitié, c'est quelque chose qui est là. Tu n'as pas à le chercher. C'est là. Sauf que lorsque l'humain le recherche, nécessairement, il ne peut pas le trouver. Il y a une idée de ce que ça doit être. Alors, quelqu'un arrive devant lui, lui pose une question, j'aimerais savoir comment je fais pour aller telle rue. C'est ça une relation d'amitié. Mais c'est le stéréotype que c'est pas comme ça que ça marche, il aurait dû dire bonjour monsieur, comment allez-vous? Hein? Si ton amitié doit passer nécessairement par la politesse, parce que la politesse, c'est l'irrespect de l'être humain. Obliger quelqu'un à passer par un stéréotype de communication, c'est irrespecter l'autre. Et on va dire non, la politesse, c'est une programmation de respect qui va déterminer les échanges de relations entre les humains. Voyons donc, foutaise par-dessus foutaise. Quelqu'un vient te voir et il est direct avec toi. C'est normal, il se sent ami. Lorsque tu rencontres, lorsque deux êtres humains sont amis, ils ne passent pas par 156 pignolages. Et ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des amis. Alors, lorsqu'un humain s'approche de toi et qu'il te pose carrément une question, puis qu'une personne est insultée, c'est qu'elle ne respecte pas l'autre. Alors, nécessairement, l'amitié ne peut pas être construite à base de politesse. La politesse, c'est une espèce d'illusion d'amitié. Alors, non, l'amitié, qu'est-ce que c'est? L'amitié, c'est une relation énergétique, d'harmonique, qui va se créer entre deux êtres humains qui se connaissent, qui ne se connaissent pas, dans des situations particulières. Tu peux être plus proche d'un individu dans une situation particulière et être plus loin dans une autre situation. Il n'y a aucun problème là-dedans. Sauf que l'humain qui a vécu une situation harmoniquement proche dans un événement particulier, on parle encore des deux Québécois perdus au fin fond du Sahara, et ils ne se connaissent pas. Il y en a un qui vote rouge, l'autre vote bleu. Il y en a un qui est homosexuel, l'autre qui veut rien savoir des homosexuels. Et il y en a un qui préfère le hockey, puis l'autre la batte. Bon, place-les les deux, un pour les Nordiques et pour le Canadien, place-les dans le désert du Sahara, puis tu verras que s'ils sont pris là tous les deux, ils vont être les plus grands amis du monde. Sauf s'ils sont complètement stupides. Qui aussi rare que l'humain soit con au point d'arriver à s'entretuer quand ils sont deux survivants sur un île, sur une planète ou dans un désert. Donc, nécessairement, les conditions extérieures sont très importantes, c'est que l'humain se laisse carrément manipuler par la collectivité et il apprend. J'ai rencontré, moi, des personnes hautement racistes. Racistes à un point tel qu'ils disaient que les Noirs, c'est pas une race. Et à un moment donné, ils étaient perdus au Guatemala dans la jungle, perdus, enfin, ils ont eu un accident. Et la personne qui a pu les aider, c'est un Bénicien, donc c'est un Guatémaltèque de race noire, du descendant des esclaves, qui ont été amenés sur la côte atlantique à l'époque. Alors donc, ce bonhomme, il est mécanicien, plus ou moins mécanicien, en fait c'est un rafistoleux, un peu comme les rabouteux humains qu'on rencontre dans la jungle là-bas, lui il raboutait les véhicules. Alors ces personnes-là, les déblancs, n'est-ce pas, hautement racistes, tout à fait cons, ont brisé leur essieu. C'est-à-dire que l'essieu de leur véhicule s'est brisé parce que, bon, ils roulaient un peu partout. Et les chemins là-bas sont carrossables à cheval. Alors, l'essieu brisé, le bonhomme noir, il est passé par là, et puis eux autres, ils n'ont rien voulu savoir. Alors, dans la région, c'était sur la bord de la côte, donc de la mer là-bas, dans l'est du Guatemala, puis c'est quasiment juste des Noirs. Et puis, ils n'ont rien voulu savoir, mais là, s'ils ne voulaient rien savoir, les Noirs ne voulaient rien savoir non plus. Puis ça, ils sont passés là un bon bout de temps. Jusqu'au moment donné où ce que là, ils étaient écœurés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient peur. Et puis, il y en a un qui leur a offert de l'aide. Ils ont dit OK. Et tout en s'éloignant de l'animal, parce qu'on travaillait après leur véhicule, eh bien, à un moment donné, il y en a un qui a commencé à le tirer, parce que dans l'insécurité totale, l'homme très sécure devant son vidéo commence à avoir des problèmes de digestion dans les pays développés. Et puis, la maladie s'est emparée d'eux autres, et puis la réparation, ben, il a fallu, pour les sortir de là, que lui attache un tronc d'arbre après la carrosserie, par-dessus ce qui restait dessus, et puis le Jeep, c'est un Jeep, il a roulé sur traction avant, en tirant une roue en arrière, puis un tronc d'arbre. Mais le temps d'arranger ça pour que ça tienne, n'est pas si délicat, c'est bon, je cherchais, hein. Bon, il a fallu acheter un autre Jeep scrap pour remplacer ce qu'il y avait là. Et puis, donc, ça a pris plusieurs moments donnés. Puis, c'est les personnes de la région qui les ont aidés, finalement, qui les ont possiblement sauvés. Quand ils sont partis, eh bien, là, ils avaient carrément changé d'idée, de contexte. L'éducation est souvent une merde, et l'éducation, dans ce cas, était réellement une bullshit. Alors, donc, ils ont appris à devenir amis. Sauf qu'après 6, 7, 8 mois, 9 mois, rentrent dans leur pays, regardant encore les pauvres Noirs qui... Bon, qui apparemment pense lentement, et etc., ben, c'est évident qu'ils sont redevenus racistes. Le problème de l'amitié, c'est que l'être humain conditionne les choses. C'est un peu comme l'amour. Bon, un peu comme tout. Merde, c'est que l'humain conditionne. Il pleut, tu veux qu'il fasse beau. Il pleut pareil. Alors, tu seras malheureux. Dans ta tête, il y a quelque chose qui n'existe pas et par ton orgueil, tu veux imposer à toute la nature, à l'univers au complet, de t'assurer de te donner satisfaction. Alors, celui qui veut de la pluie, celui qui veut du soleil, ben, il s'attire continuellement. Alors, l'humain conditionne. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui est là quand on a des problèmes. Les autres, c'est quoi? Les autres, à tout. L'humain conditionne tout. Alors, moi, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Tu me prêtes 50$, t'es un vrai ami. Et puis là, moi, j'ai des problèmes aussi. Je suis alcoolique, je suis joueur, hein? Bon. Je reviens, j'ai besoin de 100$. Tu sais, ils vont me tuer. Ah, t'es un ami. Mais moi, pourquoi je suis quoi? Une sangsue, un vampire, un têteux. Mais moi, je suis quoi? Alors, j'ai 1000$, j'ai besoin, là. Ça fait 2 ans que tu m'en prêtes. Je te dois 200 000. Là, je reviens encore, j'ai besoin de 5 000. Tu me dis non. Qu'est-ce que je fais? Je te passe un chum! Ah oui, ça fait 2 ans là, que je t'en donne. Puis à l'instant où je change d'idée un peu, tu me claires comme ami. Puis ça, pensez bien que la majorité des humains font ça. Oh. Alors, à quoi ça te sert d'entretenir l'amitié des mecs si, après 6 mois, si t'en demandes trop, tu dis non une fois, c'est fini? Et les enfants et les parents, c'est pareil. L'enfant est toujours serviable, toujours des commissions. À un moment donné, il dit non, je veux pas. Et non, qu'est-ce qui arrive? Là, c'est tout chambardé, on comprend plus. Pourtant, il était si bien programmé. Si il ça, ça ne marche plus. Il y a un bug, il y avait un bug. Et oui, il y a un bug, il y a besoin d'un coup de pied derrière, une volée, une punition, il y a besoin de quelque chose, ça ne marche plus. Alors, tant que l'esclave fonctionne, sans que le mot esclave sorte, on appelle ça souvent amitié. Dès l'instant où là, tiens, là, ça ne marche plus, là, là, là, on ne comprend plus ce qui se passe. Oui, mais il me semblait que tu étais mon ami. Alors, il faut croire que pour qu'un ami existe, il faut un ennemi. Il faut celui qui donne et celui qui prend. Mais on va dire, oui, mais s'ils se donnent mutuellement, ouais, l'équilibre des forces, ça marche. Les Russes sont les amis des Américains. Mais à un moment donné, s'il y en a un qui donne plus que l'autre, la guerre éclate. Oh, c'est sûr qu'il y en a un qui a besoin, qui a hautement besoin de donner. Hein? Il se vole, il se vole, il se vole, puis donne aux autres. C'est intéressant. Alors, il y a plein d'amis. Il y a plein de têteux. Pas plein d'amis. Qu'est-ce que c'est que l'ami? C'est celui, à un moment donné, qui va dire à l'autre, « Non, tu bois, tu joues, moi, je te donne plus rien. » Alors, celui qui est têteux va dire, « Je te pensais mon ami. » Oui, je suis ton ami. C'est pour ça que je t'en donne pas. Le têteux comprendra pas. Parce que le têteux, il a une idée de ce que c'est que l'ami. C'est celui qui te supporte quand tu as besoin d'aide. Est-ce que la notion du respect de l'humain... Pas la respect... Oui, c'est important. Vous ne devez pas respecter celui avec qui vous faites affaire. Vous devez respecter le règne humain. Pour arriver à vivre d'amitié, on doit vivre planétairement, pas individuellement, pas d'une façon nombritique. Alors, si le gars, c'est un alcoolique, et puis qu'il a toujours besoin d'argent pour que je lui en prête, eh bien, je ne respecte pas le règne humain. Je ne respecte pas l'être humain. Et si je décide que ce bonhomme-là, il va souffrir, il va avoir des gros problèmes, mais moi, je ne participerai plus à sa dégradation. Et je vais m'arranger pour qu'il remonte la pente tant qu'il pourra me supporter. Et lorsqu'il ne pourra plus me supporter, il ira voir ailleurs. Ça, c'est un ami. Il t'oubliera parce qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'un ami. Mais c'est très, très important. Moi, je n'ai pas besoin que les autres sachent que je suis leur ami. Je m'en fous. Exactement comme, bon, mes enfants... J'ai pas besoin de savoir que d'autres pensent que je les aime. Mais qu'ils le pensent, qu'ils le pensent pas, ça change rien dans la relation que j'ai avec eux. Dans l'amour que l'on vit dans notre société, on dit oui, mais il a besoin d'aide, il faut l'aider. Oui, c'est comme j'ai déjà expliqué souvent, la personne qui marche derrière toi la nuit dans la jungle, toi tu vois un trou, tu passes et tu le dis pas à l'autre. Et l'autre il tombe dans le trou, il se relève, mais il apprend à découvrir les trous. Tandis que si tu lui dis, il va apprendre à te suivre. La journée que tu ne seras plus là, il va se casser la gueule pareil. Tu temporises, donc tu ne l'aides pas. Tu n'es pas un ami, tu es un maître, tu es un gourou, tu es un orgueilleux, tu es un chef, tu es un bon meilleur que les autres, tu es un fort, suivez-moi la gang. Avec moi, vous serez correct. Seul, vous ne pourrez rien faire. Hein? C'est le gouvernement un peu. Et on ne fabrique pas d'humains intelligents comme ça. Oui, mais j'ai tellement souffert, moi je veux pas que mes enfants passent par le même chemin que moi. T'es intelligent comme que t'es par le chemin que t'as passé. Interdis à tes enfants de suivre un chemin intelligent, ils seront cons plus tard. Pas le choix. Ouais, mais c'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre. T'arrives-tu à apprendre sans souffrir? C'est possible que oui, mais faudra que tu apprennes à connaître les lois qui régissent l'apprentissage, les lois qui régissent l'économie, les lois qui régissent les conditions sociales, les lois qui régissent les conditions naturelles lorsque tu quittes la société. Et pour apprendre à connaître ces lois, souvent, tu dois expérimenter. Parce que c'est très bon que l'enfant ne fasse pas confiance aux adultes et que chaque adulte ne fasse pas confiance impunément aux autres. Tu sais, quand on dit qu'un soviétique, c'est mauvais, tu fais confiance, tu vas voir. Quand on te dit, « Oh, mais c'est normal, t'as 14 ans, c'est tes premières souffrances d'amour. » Trosse pas les adultes quand ils te disent ça. Ils connaissent rien à l'amour. Eux autres, ils souffrent parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est un peu comme si tu donnais un cactus à quelqu'un, puis tu lui dis ça, là, c'est un oreiller. « Ah, mais c'est un oreiller. Tu couches dessus, ça fait mal. »« Ah, mais c'est normal, un bon oreiller, ça fait mal. » Pas un oreiller, c'est un cactus, mais c'est pas. Alors l'amour que l'humain vit, c'est quoi? Pas d'amour. Je l'aime tellement, là, fait que là, si elle sort encore avec celui-là, là, je l'ai dit tous les deux. Je l'amour. Félicitations. Il l'aime. Oh, mais quand t'aimes, c'est normal que tu sois jaloux. Oh, ouais, c'est normal que tu souffres quand t'aimes. Brillant. Génial. C'est génial. Moi, je trouve ça absolument logique, ça. Aimer. Puis en plus, on broye qu'il n'y a pas assez de guerre, qu'il y a trop de guerre. Puis on veut étendre l'amour. L'amour, ça engendre la haine, la jalousie, la guerre, la violence. Alors, crime, si on se plaint qu'il y a trop de guerre, c'est sans parler d'amour. Hein? Les Russes, ils s'aiment tellement entre eux autres qu'ils veulent détruire le reste de la planète. Les Américains, ils s'aiment tellement entre eux autres qu'ils ont peur des autres. Les Canadiens, ils s'aiment tellement entre eux autres qu'ils se nationalisent, ils mettent des frontières, des barrières. Le chevreuil, il peut traverser des États-Unis au Canada. L'écureuil, il peut traverser. Et l'humain, on l'arrête. Alors, l'humain n'a pas le droit, un instant. On se pousse, là. C'est génial. T'sais, parlez-moi de logique. Il y a des conditions intelligentes qui régissent cela, d'accord. Sauf que présentement, lorsque l'humain parle d'amour, franchement, il est à côté de la traque complètement. L'amitié, c'est le même phénomène. Oh, mais t'es-tu mon ami? Ça veut dire quoi, ça? Menaçant, maudit. Effectivement. Ça ne peut pas se dire. C'est ça. Non, on ne peut pas fonctionner. Quand on parle de l'homme nouveau, comment un homme nouveau reconnaît un homme nouveau? Quand le soleil se lève, on n'a pas besoin de l'annoncer. Donc, en partant, les deux disent pas. Ils ne se disent pas, les autres non plus, ils s'en foutent royalement. C'est comme j'explique souvent, une personne qui a 65 ans qui dit « Oh, je suis jeune de cœur! » Tu veux un enfant dire ça? Non, l'enfant est jeune de cœur. Il ne dit pas non plus. Si tu le dis, c'est que tu ne l'es pas. C'est que tu veux l'être. Alors, tu es mon ami. C'est un peu comme dans les couples. Tu m'aimes plus continuellement. « Oh oui, je t'aime! » Mais ça ne paraît pas! Si, ouais, qu'est-ce que je fasse? Tu sais, je t'amène une rose. Après un an, c'est deux tu veux, parce qu'une rose, c'est normal. Pas une preuve d'amour, ça! Mais si j'arrête de t'en amener, c'est une preuve de haine. C'est une preuve que tu m'aimes plus, mais c'est pas une preuve que tu m'aimes. Parce que l'humain, quand il vit comme ça, il n'a plein de preuves que tu l'aimes plus. Mais il arrive plus à savoir les preuves que tu l'aimes. Et comment prouver que tu aimes quelqu'un? Tu deviens son esclave. Là, tu l'aimes. Effectivement, on peut remarquer que dans les couples, on a tué l'amitié, finalement. Carrément. On a tué l'amitié, on a tué la moitié de l'humain du couple. Donc, la moitié du couple. On tue la relation, on tue la vie, on tue... C'est une vraie folie. C'est une vraie... C'est une décadence, c'est une débilité. Oh, l'humain est puissant. Quand je dis que l'humain est absolument extraordinaire, la preuve, vivre dans des conditions comme ça, il faut absolument être extraordinaire. Non, mais c'est évident. On passe notre temps à avoir des problèmes, on passe notre temps à rechercher l'amour pour en avoir peur, on passe notre temps à trouver la fleur ou la perle de notre vie, homme ou femme, et puis après, on a peur de la perdre. Mais tabarnouche, à un moment donné, il faut qu'on se branche quelque part. Tu sais, oui, mais moi, j'ai besoin d'une femme. Quand tu l'as, faut pas que je la perde. Ben oui, mais Christy, c'est branche-toi quelque part. C'est l'auto de mes rêves. Tu sais qu'elle va rouiller, qu'il va avoir des problèmes, qu'il va... Tu sais, à un moment donné, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux des enfants. Un jour, ton enfant, il aura 35 ans, tu sais. Pense-y. Si le but de ta vie, c'est d'avoir des enfants de 12 ans, ben un jour, ils n'auront plus 12 ans. Le but de ta vie va être des patates. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu gardes les photos, tu gardes les photos. À 18 ans, il veut s'en aller, puis tu demandes pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il parte. Tu sais, puis là, ta fille encore, ben, tu l'aimes. Tu l'aimes pas. Tu le possèdes. C'est pas pareil. Alors, l'enfant doit exorciser la relation, il doit sacrer son camp, claquer la porte. Si possible, tu venais des parents, mais ils ne sont pas là, tant pis. Mais il doit s'en aller quelque part. Et c'est un problème. Et plus l'humain évolue, plus l'humain essaie de légiférer sur ses problèmes, c'est-à-dire qu'il intellectualise. Le problème, il est con. Et l'humain arrive à y mettre des mots intelligents pour essayer de donner une substance au problème parce que, finalement, il ne veut pas changer. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, est-ce que ça se commande? Il y a beaucoup d'humains qui le commandent. L'amitié, est-ce que c'est conditionnel? Apparemment, oui, parce qu'on écrit même des livres sur comment se faire des amis. Première chose, quand dans une relation, parle beaucoup de ce qu'ils font dans leur vie. Ah, oh, ensuite, ils sont pas un ami. Ah oui, tu sais. Alors, c'est quoi dans la vie, toi, mécanicien? Ouais, ah, quel genre de moteur t'aimes réparer? Suite, le gars, ou la fille qui est sûre de l'avoir comme ami. Parle pas de toi. Fais-le parler de lui. Ça marche. Mais ça crée quoi? Pourquoi tu vas avoir un ami? Rien que pour l'entendre parler de lui. Mais un jour, il faudra que tu parles de toi. C'est de la haute manipulation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une relation qui peut tenir. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est cling, cling, cling, cling. Allô, ouais, je m'ennuie, j'aimerais te parler. L'autre, il répond, je peux pas t'occuper. Ah, OK, pas de faire clic. Ça, c'est un ami. Les deux sont amis. Tu prêtes-tu ta tondeuse? Oh, je rentre dans le lit. Ah, OK, bon. Prends la tondeuse. Ramène-la. La tondeuse n'en vient pas. L'autre, c'est pas un ami. C'est-à-dire que c'est un ami humain. Et présentement, c'est que quand il conceptualise le phénomène de l'ami, puis il, orgueilleusement, il joue avec. Alors, il est carrément à côté de la traque de l'amitié. Même ceux qui s'entretuent sont amis. Sauf qu'ils vivent sur une autre dimension de l'amitié. Alors, à un moment donné, tu viens m'emprunter quelque chose, puis moi, je peux carrément dire non. Puis si tu es pas frustré, c'est que j'ai pas à vivre avec toi. On n'est pas sous le même arbre. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'ai le droit de te refuser des choses qui m'appartiennent? Oui. Est-ce que parce que j'ai dit non une fois, je ne suis pas ton ami? Mais dans la majorité des cas, la condition d'ami veut dire que tu ne peux plus me rien me refuser. Ça devient carrément débile. Un ami, c'est pas ça. L'importance de l'amitié... Dans la mutation sociale qu'on est en train de vivre, on la vit de plus en plus, elle est haute. De plus en plus, on a des personnes qui se lancent en affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça fout ce que c'est qu'un ami, parce qu'il y a, tu sais, y a des débiles qui disent en affaires, pas d'amis. J'ai rencontré un, c'était un de mes grands amis. On est toujours amis, mais lui, il ne sait plus. Parce qu'en affaires, pas d'amis. Alors, on fait des affaires ensemble, fait qu'on s'organise pour se savoir mutuellement. Tu sais, c'est tout. Moi, comme dans le thème québécois, moi, je crosse, tu trouves des merdes. Ça n'a rien à voir. Sauf que si tu me fais un rabais là, ben moi, je te fais un rabais quelque part à un moment donné. Mais c'est pas conditionnel de l'amitié. Peut-être que je n'en ferai jamais de rabais. L'idée, c'est que d'autres t'en feront. Créons une attitude d'échange, une attitude de relation. C'est pas nécessaire que moi, je te donne parce que tu me donnes. Mais si on est 6 millions à vivre d'une attitude comme ça, j'aurais pas besoin de penser à te remettre. Il y en a plein qui vont te la remettre. C'est moi, j'en remets à d'autres. C'est bon, ça en balance. Ça fonctionne bien. Alors, de plus en plus de Québécois, hommes ou femmes, qui se plantent en affaires. Et il y en a quelques-uns qui n'ont rien compris du jeu. Ils ont décidé d'être durs. Être dur, c'est plusieurs termes dans être dur. Ça veut-tu dire que le premier qui vient te voir, il veut acheter une machinerie que tu vends? Puis le gars, il dit, moi, j'aurais besoin de 90 jours pour payer, tu sais, je me lance en affaires. Bon, si t'en veux, t'en payes, sinon, t'as de bas. Tu sais, c'est un risque. Mais t'es parti en affaires un jour, peut-être pas, peut-être que ton compte a légué. Mais c'est le même phénomène, on t'a aidé. Oh, bon, ouais, c'est risqué. Tu sais, mais ça vaut la peine de risquer dans le genre humain. Le gars peut te voler. L'humain n'est pas voleur. Pour autant, c'est un gars qui est mal éduqué. Il est ignorant, il comprend pas. Un jour, il va apprendre. Mais ça vaut la peine d'investir dans l'énergie humaine. Et l'amitié, c'est la considération que l'énergie humaine a en face d'elle-même. Que l'humain a en face de lui. L'humain est un être humain, puis il travaille avec des êtres humains. L'amitié, à ce moment-là, l'amitié intelligente, pourrait être synonyme d'amour intelligent. Ben, c'est la même chose. C'est une condition de conséquentialité écologique. C'est un risque, mais je le prends. Je peux perdre, je ne fermerai pas boutique. Mais si ça marche, je m'arrangerai pour avoir un retour, pour équilibrer l'énergie. Pas parce que je décide d'avoir un retour. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont travaillé pour moi. Et puis, on leur disait, bon, je te commande à payer entre la commission, mais je t'avance tant par semaine. Si ça marche, quand tu feras plus, tu me rembourseras. Si ça marche pas, on oublie tout, tu ne devras jamais rien. Et on peut le faire, ça motive la personne, puis si ça marche pas, elle n'aura pas plus d'argent. Je connais sa condition financière. Alors, c'est un risque que je prends, c'est un risque qu'il prend. Mais karmiquement, c'est-à-dire qu'énergétiquement, on s'organise pour être clair. Si ça fonctionne pas, C'était convenu qu'on oubliait tout. Alors, sens-toi bien, tu dois rien. Si ça marche, tu me donnes temps avec peut-être un intérêt ou quelque chose comme ça. Tu ne profites pas, mais tu ne te fais pas profiter. Tu es un ami. C'est exactement comme l'idée, bon, les Chinois sont peut-être jaunes, ils ne sont pas fous. Nourrir un homme pour une journée, c'est intéressant, mais mon Dieu péché, tu le nourrir pour la vie. C'est un peu ça. Oh, mais j'ai faim! Ça, c'est un morceau de bois. J'ai faim! Ça, c'est une corde. J'ai faim! Ça, c'est un hameçon. Ouais, mais on mange comment le morceau de bois? T'attaches l'hameçon après la corde. J'ai faim! Tu marches qu'à la rivière là-bas. T'es un ami. Mais tiens, c'est un poisson. Après ça, mets-moi à pêcher. Quand tu auras plus faim, là, ta ligne à pêche, ta ficelle, ton hameçon, là, tu sais où te la mettre? Quand tu auras faim encore, là, c'est le temps d'y montrer. Mais tu l'auras programmé à avoir du poisson, pas à prendre. Alors, il va te traiter de con, d'ennemi, de lâcheux, de trahi, de ce que tu voudras, parce que tu lui montres à pêcher. Et l'éducation des enfants, c'est le même phénomène, souvent. On leur donne, après ça, quand on veut leur montrer, ils ne comprennent plus, mais c'est normal. Tes programmes pendant, tu sais, c'est comme la mère qui fait le ménage tout le temps. Tu sais, elle crée son enfant, fait de la chambre. Mais l'enfant, pas fou, il ne fera pas sa chambre. Il part pour l'école quand il revient. Fait, pourquoi qu'elle ferait? Là, après 12 ou 13 ans, la mère, elle décide qu'elle ne fait plus. Mais lui, après 12 ans de programmation, pense qu'il comprend ça. Mais donc, ce qui arrive, la mère, là, elle est folle, elle vire folle. Là, il laisse une semaine ou deux de break, elle va lâcher avant lui. Puis elle commence à faire le ménage de la chambre. Pourquoi l'enfant changerait? Moi, je n'ai pas changé, du coup. Dans un couple, ça se développe de l'amitié. Même non, si... non. L'amitié non. ne se développe pas, l'amitié se tue. C'est ça qui est le problème. C'est que l'amitié, ça se développe pas. Ça se tarie. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, mais on y met des choses dessus, puis finalement, on finit par avoir la relation juste avec ce qu'on a mis là-dessus. Tu sais, le coup de foudre, c'est quoi? C'est une instantanéité d'amitié. Et tout. Mais l'être humain tue l'amitié, l'instantanéité du mouvement, parce qu'il le mémorise. Le mémorisant, il tient à le conserver. Tu sais, il rentre chez lui, je t'ai pensé à l'autre. Puis là, l'autre. Pense à ton chat, pense à tes enfants, pense à ta femme, pense à ton mari, pense à ton travail, mais l'autre, puis là. Tu continues ça, t'as un cadre de la revoir, la vie vient d'arrêter. Tout l'autre, le reste, j'ai plus besoin du reste. J'ai plus besoin. J'ai plus besoin de rien au monde. Maintenant, j'ai trouvé. Il y a des personnes, par exemple, t'as du monde qui travaille. Travaille bien, travaille, c'est impeccable. Puis à un moment donné, il se trouve un chum ou une blonde. Tu travailles, comment ça allait? Enfin, c'est... Voilà, j'ai besoin, mais pas rien que ça dans la vie. Quand il était seul, il y avait rien que ça dans la vie. Il y avait le travail, il y avait le temps, il y avait ceci, il y avait cela. Alors, le problème qu'il y a, c'est que l'amitié, c'est instantané. On donne, bon, moi, je donne des cours, avec les enfants, c'est plus facile. On donne des cours d'ordaine, mais c'est à des jeunes. Une forme d'art martial qu'on a développé ici, qui développe le corps, puis qu'en même temps, qui instruit. Bon. Alors, les enfants, c'est instantané, l'amitié. Les adultes, c'est plus compliqué. Les adultes, il faut commencer normalement par une poignée de main, par se regarder, par jaser un peu, s'auto-évaluer, s'auto-juger, puis savoir si on est du même niveau, du même palier énergétique, savoir si on est du même niveau social, savoir si... Bon. Alors, on doit se tester. Une fois qu'on s'est testé, bien là, on va savoir si on se plaît ou si on se plaît pas. Mais avec les enfants, c'est drôle, ça marche pas comme ça. L'enfant, t'as pas besoin de tester rien, c'est correct. Alors, quand tu te vois pas, tu te vois pas. Quand tu te vois, tu te vois. Tandis que l'adulte, c'est souvent plus compliqué. De plus en plus, au Québec, on a des êtres humains qui sont capables de jouer avec l'amitié. Mais là, maudit problème. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires. Il rentre connaître des femmes et d'autres hommes d'affaires, et puis il est ami. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se donner un coup de pouce, mais en calculant énergétiquement. C'est correct, ça. T'sais, souvent, on va dire, ouais, mais les villes, cons, tu sais, ils sont en train de calculer. Mais non, c'est correct. Moi, je vais donner à quelqu'un qui a besoin d'aide à la condition que je sache que ça va rapporter. Pour lui, si ça lui permet de cesser d'avoir besoin de moi, c'est « j'investis pour moi », ça va rapporter pour lui. C'est intelligent. C'est écologiquement intelligent. J'investis dans le règne humain. Et si ça peut me rapporter en plus, tant mieux. Exactement comme toi, si t'es boxeur, puis tu me dis « j'ai besoin de 500$ pour pouvoir aller dans tel tournoi, mais si je gagne, j'ai 10 000. » Je vais te donner mon 500. Si tu le perds, tant pis. Si tu gagnes, tu m'en donneras 1000. Je te vole pas. Tu fais rien si t'as pas mon 500. Mais je suis prêt à le perdre, on oublie tout. Donc, c'est pas question d'argent. Et si tu gagnes, tu me donneras le double. De cette façon-là, ça me permet de faire quoi? Toi, t'es gros dur, il te reste 9 000 $ que t'aurais pas eu sans ça. Si tu perds, tu dois rien à personne, sauf que le 1 000 que tu me redonnes. Ben, moi, ça me permet de renflouer les fois où je donnais à des perdants. Alors, ce qui fait que finalement, moi, je continue d'investir dans le règne humain. L'amitié, c'est, on parle financier pour l'instant, OK, ça, c'est une chose. Mais au niveau de tout, qu'est-ce que c'est qu'éduquer un enfant? Est-ce que tu peux te dire réellement, bon, c'est mon ami? Va falloir trouver. Hein? À un moment donné, on finit par amener les mots justes, là. Mais ça ne peut pas être ton ami, ça peut être un ami. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. L'amitié ne peut pas exister là-dedans. L'amitié, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est de l'amour intelligent, c'est-à-dire que ça permet à celui qui aime d'être capable de recevoir une chose qu'il aime et de la laisser partir sans la retenir et sans souffrir. Parce que sinon, c'est pas de l'amour. Aimer quelqu'un, est-ce que ça veut dire que on est prêt à tout lui donner à condition... L'humain va dire non, c'est sans condition. Parfait. Et si la personne à qui tu donnes te dit pas merci, t'es frustré. Tu sais, t'aimes tes enfants, mais tu leur montres à être poli. Alors, pourquoi? Oh, mais c'est normal qu'ils me disent merci. Pourquoi? C'est ça, à ce moment-là, l'amitié intelligente, ça ne fait pas souffrir, finalement. Non. Ni celui pour qui tu as de l'amitié, ni celui qui a l'amitié. Tu as deux amis, tu joues au tennis avec, etc., etc. Est-ce que nécessairement, c'est bien important de comprendre, c'est que l'ami, comme d'ailleurs l'humain, n'est pas au service de l'homme. L'être humain n'est pas un serviteur, ni des dieux, ni d'un dieu, ni de l'homme. Par contre, il est dans une condition écologique, dans un cadre dans lequel il doit vivre, s'améliorer, évoluer, penser, avoir de l'émotion, avoir des problèmes, avoir à souffrir s'il vit mal dans le cadre. Et il est évident que, étant donné que qu'il y a plus qu'un humain dans le cadre, nécessairement, hein, lorsque tu as un cadre pur et parfait, tu mets un humain là-dedans, tout lui appartient. Si t'en mets un deuxième, on sépare tout de suite la planète en deux. Et toutes les possibilités sont maintenant partagées en deux. Donc, en partant, la liberté de l'individu est maintenant diluée en deux. Si tu en rajoutes un troisième, on divise au tiers. Avec plus de 5 milliards d'êtres humains, il faut y penser. Et calculons les insectes, les animaux, ce qui vole, ce qui nage, ce qui marche, plus les plantes, plus les conditions chimiques, plus les conditions minéralogiques, les conditions électromagnétiques, ben finalement, l'être humain est pas mal confiné dans un écosystème où le libre arbitre individuel n'est pas tellement présent. Donc, être l'ami veut dire être un élément qui permet à l'écosystème en entier d'être bien. C'est un ami. Ça veut pas dire que tu sers lui ou que tu sers lui. Ça veut dire que tu investis dans l'écosystème, donc dans le règne de l'homme. Si tu es quelqu'un qui dépollue, tu es mon ami. Je te connais pas, ça n'a rien à voir. Parce que tu travailles pour moi. Mais tu vas dire, oui, mais il travaille aussi pour lui. C'est évident. Il n'y a pas un humain qui ne travaille pas pour lui. La meilleure manière de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être libre. Donc, en partant, tu travailles pour toi. Nécessairement, tu libères tous ceux qui te supportent en partant, tu les aides. Et puis, en plus, ça te permet d'avoir quelque chose à donner ou à agir. Tu fais juste aller visiter un pays développé, tu reviens ici, tu poses 3-4 diapositives devant quelques personnes. Ben oui, t'es instruit. Oh, mais t'as voyagé, t'as eu du fun, puis après, c'est parfait. La vie est comme ça. L'humain toujours pense toujours que la vie, c'est pas ça. Alors, un ami, tu sais, quand tout va bien, t'as des amis, quand ça va pas, tes amis tombent. C'est parce qu'ils n'ont pas été dit ça, pas ce que c'est. Et tu les as mal éduqués. Parce que c'est toi qui éduques tes amis. L'amitié, c'est de l'amour intelligent. Ça veut dire que ce n'est pas sélectif. On ne peut pas choisir ses amis. On peut choisir la relation qu'on aura avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es un voleur, tu peux être mon ami. Sauf que je ne te laisserai pas les clés de ma maison. C'est tout. Et on va dire, ouais, mais c'est pas ton ami. Ça n'a rien à voir. Ton enfant, tu l'aimes? Oui. Pourquoi tu mets le pot de crème à glace en haut dans le frigidaire pour qu'il prenne? Ben, j'y l'aime. Il y a 3 ans, tu mets le Ajax en haut ou tu barres les portes. Ah, il veut jouer là-dedans, lui. Ah oui, tu l'as. C'est son ami. Barre les portes pareilles, ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment rien à voir. Et souvent, on mélange tout. Bon, tu bâtis une cabane dans un arbre avec un ami, et puis après ça, au baseball, vous chicanez. Ça veut-tu dire que la cabane dans l'arbre, c'est fini? Souvent, pour l'humain, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Un événement est localisé dans le temps et dans l'espace. Tu ne peux pas le faire en sorte qu'il grandisse et éternisse le reste. C'est ce qui se passe dans la tête de l'humain. Un jour, on s'engueule, on chicane. Puis là, notre partie de gueule, dimanche prochain, là, il va-tu encore, là? Ça n'a rien à voir. On ne se respecte pas. J'ai pas le droit d'être fatigué une journée puis de te donner, de donner des bêtises. Dimanche prochain, moi, t'es en forme, on va jouer au golf. Alors, casse pas tout. Aujourd'hui, je t'ai donné des bêtises parce qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi, c'est tout. Mais si t'es un ami, tu peux lancer tout. Alors, nécessairement, l'humain ne peut pas choisir ses amis. Il peut choisir la relation qu'il aura avec eux. Et pour conserver, c'est-à-dire que si tu veux être un ami, parce que c'est important. L'important, ce n'est pas d'avoir des amis, l'important, c'est d'être un ami. Pas spirituellement, pas philosophiquement, pas théologiquement, ça n'a rien à voir. Mécaniquement, c'est beaucoup plus puissant que d'avoir des amis. D'être le foyer central d'attraction où tout le monde vient te servir, là, c'est très, très, très plaisant pour l'ego, mais c'est tout à fait stupide au niveau écologique, et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça dure tant que les autres ont besoin de toi. La journée qu'ils n'ont plus besoin, check-les, ils ne sont plus là. Si tu as des problèmes, ils n'auront plus besoin de toi. Ils ne seront plus là non plus. C'est pour ça que les gens disent, finalement, j'ai peut-être un, peut-être deux. Bon, je les compte sous ma main ou sous mes deux mains. Mes avec amis, des peut-être. Avec des peut-être. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un ami. L'ami, c'est l'esclave parfait qui est capable de te servir sans que tu aies l'impression qu'il te sert. Mais l'ami, dans l'idéologie du monde, là. C'est celui qui te rend service sans qu'il te donne l'impression qu'il te rend service. Dans la majorité des cas, pour l'humain, l'ami, c'est ça. C'est pour ça qu'on tombe toutes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais mon voisin, il ne connaît pas. C'est une drôle de société. On est entouré de voisins, des blocs appartements, on ne se connaît même pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument, absolument, mais absolument rien à voir. L'amitié, c'est une relation. Et être un ami veut simplement dire être capable d'investir dans l'homme. Alors, tu sors de chez vous, et puis tu vois le voisin qui a 4 sacs à vidange à descendre, mais t'en ramasses 1 ou 2, puis t'es descend. Il connaît pas, t'y dis même pas un mot. Ça a foutrement rien à voir. Et ça, de l'amitié. Ouais, mais tu sais, fais 3 fois, moi j'ai des grosses caisses, j'y m'aide pas. Lui n'a pas comme job à être un ami. Mais toi, qui connais et qui sais plus, ça sera à toi de commencer à être l'ami. Mais ça peut devenir embarrassant d'avoir... Non. Tu connais le mécanisme à ce moment-là. Tu pars de ton travail, tu n'arriveras jamais chez vous. Peut-être celui-ci, peut-être celui-là. Parle d'écologie. Parle d'écologie. Moi, je m'en vais sur l'autoroute, là, je te vois une belle féfille, là, qui est bien bâtie. Enfin, c'est pas bâtie, tu sais, parce que, vous dites franchement, c'est la forme extérieure, mais en tout cas, je parle d'un terme humain. Et puis, elle a une crevaison, puis elle est à côté sur son capot, puis elle attend. Ah, ben, moi, je passe, hein, j'arrêterai pas pour ça. Pourquoi? Je l'instruis. T'es très belle, hein? Change ta roue. C'est bien plus utile que d'être beau. Alors, je l'instruis. Je suis son ami. Le fin finot qui arrête pensant avoir je sais pas quoi pour une roue changée, ben, il va être tellement pris par son phénomène émotif, probablement qu'il risque de se faire frapper. Hein? Et puis, ça le regarde. Mais lui, il est esclave soumis d'une personne, puis il lui nuit. Parce qu'elle, elle pense qu'elle va manipuler tout le temps comme ça. À un moment donné, il y a une personne, bon, je trouve un livre de chèque dans un truc, alors je m'en vais le porter, il y avait l'adresse de la compagnie, puis c'est une maison privée. Alors, quand j'arrive là, c'est mon mari, maudit, qui est distrait, puis elle commence à me donner de la marde, son mari. Ben, c'est-à-dire qu'elle parlait pas à moi, elle m'a gueulé, pareil, franchement, je m'en allais pas là pour encore entendre des bêtises sur son mari. Là, j'ai dit, bon, en tout cas, là, gardez-les, là. Puis tant qu'il est pas, puis qu'on le trouve, je suis allé pas après, la fille belle. C'est quand on ne trouvera pas le problème va apparaître. Hein. Attendez, moi, vous donner quelque chose. sais, c'est ça l'insulte dans le règne humain. Elle instruit ses amis à devenir des têteux. On n'est pas capable. Moi, je veux pas de merci, je veux pas de ci, je veux pas de ça. C'est son argent qu'elle donne à un quêteux, qu'elle fasse que vous encore, qu'elle se paye, je sais pas, moi, qu'elle s'achète un bâton de baseball puis qu'elle tape son mari avec. Qu'elle fasse ce qu'elle voudra. Mais nécessairement, l'humain parle d'échange. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Regardez bien ceci. Là, présentement, on vit sous l'égide d'un mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'illusions. En passant, il fait un peu chaud à soir. C'est la preuve qu'on déménage. Nos climatiseurs sont partis avant nous autres. Il en reste quelques-uns, là, mais... C'est ça. On vit dans un monde tellement illusoire où on a l'impression qu'un mur, c'est solide alors que ce ne l'est pas. On a l'impression que, quand je parle de mur, je parle pas de mur matériel. Tu sais, tu rencontres un humain, que ce soit Jean 22, que ce soit ton patron, que ce soit ton employé, que ce soit un policier, tu es convaincu qu'il y a un mur entre les deux. Oui, mais je peux pas aller parler. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, ben là, là, quoi? On a plein de stéréotypes imbéciles qui nous barrent. Ouais, mais t'arrives pas de même, et puis comme un cheveu, ça soupe, et puis le cheveu, ça soupe. Là. Il est bien plus évolué que lui-même, mais il se permet bien d'être dans la soupe de temps en temps. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Si tu le vois pas, tu le bouffes, puis sinon, tu l'as. Bon, commence donc par aller voir. Si c'est non, ce sera non. Si c'est oui, ce sera oui. Non. Ah non, l'humain est même trop orgueilleux. L'humain, il préfère penser que ça aurait pu être oui que de savoir que c'était non. Le résultat réel est le même. Il n'y a rien. Le résultat psychologique, au moins une chance, j'y aurais été ou j'aurais convaincu. Enfin, reste bon. Reste con, mais bon. Si tu y vas, tu ne pourras pas supporter le non. Alors, tu t'en fais un ennemi. C'est-à-dire que tu détermines d'abord les paramètres qui vont obliger la relation entre les deux. Puis, évidemment, tu vas travailler à partir de ces paramètres-là, pas à partir de l'amitié. Es-tu capable de rencontrer quelqu'un, d'avoir une conversation du tonnerre avec, ou d'avoir une relation du tonnerre avec, de faire un bout de chemin ensemble, puis quand c'est le temps de la séparation, bon, on se sépare, on s'oublie. C'est ça, l'amitié. Lui-même m'a dit, « Ben non, Kim, t'oublie pas! » Oublie pas, si tu l'oublies pas, t'en fais de l'amour humain, l'amour psychologique, enfin, et tu vas en souffrir. C'est une attaque. Tu vas en souffrir. Tu peux pas faire autrement que d'en souffrir. L'humain va dire, ouais, mais c'est humain, ça. C'est peut-être humain, mais c'est imbécile. C'est pas parce que ça fait 2 millions d'années, plus précisément 30 millions d'années, qu'on fonctionne mal, que maintenant on fonctionne bien. On fonctionne toujours aussi mal. C'est pas parce que traditionnellement l'humain souffre de ses amis, souffre d'aimer, qu'il faut qu'on continue à souffrir d'aimer, pas souffrir de ses amis. C'est faux. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres de l'amitié? Premièrement, on ne peut pas choisir ses amis. On a une relation avec un individu ou on n'en a pas, mais il y a l'individu d'un être humain. Et l'être humain est une partie des possibilités de l'humanité, donc de toi-même. Est-ce que ça veut dire que toute relation est une relation d'amitié? Ben oui, nécessairement. Que tu connaisses ou ne connaisses pas. Bon, toi, tu vas me dire, moi, quand je vois quelqu'un écraser un écureuil avec son auto, tu sais, ça... Mais... Donc, t'es l'ami de Pevert, Greenpeace. T'y connais pas. Ça change rien. Vous êtes sur la même harmonique. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'être humain ne fonctionne pas à partir d'une harmonique de relation. Tu t'en vas sur deux rues différentes, minuit, Montréal, Vieux-Montréal, rue Saint-Paul. Tu vas te tenter de croiser à Sainte-Catherine, là, ils ont gagné les Canadiens, donc les rues sont vides dans Vieux-Montréal. Bon. Alors, deux gars qui se promènent, qui tournent un coin de rue ensemble, chacun sur le trottoir, puis qui ont un kilomètre à marcher ensemble. Ils sont deux. Ils ne parleront pas, hein? Puis s'ils s'en vont de même, puis chacun deux rues, ils vont attendre longtemps avant de traverser. Hein. Il y en a un qui va ralentir, il y en a un qui va accélérer. Hein. Il y a tout un jeu qui se passe, là, et ça, le mur. Un jour, moi, j'étais à Nuevo Progreso. C'était un petit village perdu sur la côte pacifique du Guatemala. Puis c'est arrivé un peu, c'était le jour de l'an, fait que la fiesta, ça fiestocine pas mal là-bas. Alors, tout le monde était à leur, je sais plus combien de bouteilles, mais en tout cas, c'était tout dans le fond du village, puis ça avait commencé en jouant au soccer, ça a fini en faisant des chaises. Et puis, je m'en allais voir ce qui se passait. Alors, je pars de mission où j'étais, mission médicale. Et puis, justement, je marche dans les rues, la bosse des rues de pierre, tout croche, puis l'éclairage, il n'y en a pas. Et puis, il y a un bonhomme qui marche, puis qui vire, même temps que moi, le coin de la rue. Sauf que les rues là-bas sont minces. Puis, trottoir, c'est la rue. Bon. Alors, on est pas mal côte à côte. Mais là-bas, dans ces villes, dans ces régions-là, il n'y a pas les stéréotypes muraux hein, qu'on connaît ici. Fait que j'ai dit bonjour, il me dit bonjour. J'y parle en espagnol, puis il me parle en espagnol, évidemment, c'est guatémaltèque. Et puis, on marche lentement, mais ça l'a fait, on a marché, quoi, peut-être, sur un kilomètre, qu'on est arrivé où est-ce qu'il y avait la fiesta. Et puis, quand on est arrivé en bas, bien, tout ce que j'avais besoin de savoir sur lui, je le savais. Tout ce qu'il avait besoin de savoir sur moi, je le savais. Il était professeur de français à Quetzaltenango, donc c'était parfait pour montrer l'espagnol. Il avait le même âge que moi. Il avait une idée de venir au Canada à un moment donné. En tout cas, tout était parfait. Alors, en une semaine, j'ai appris l'espagnol, j'ai voyagé, j'ai connu, j'ai rencontré des familles. En tout cas, je me suis amusé comme un bon. Mais on se connaissait pas. Et puis, je pense pas lui depuis que je suis plus là. À un moment donné, il me téléphone, il dit à Quetzaltenango, on a des problèmes parce que, bon, enfin, j'ai deux de mes amis qui sont professeurs qui sont foutus par la police. Puis là, ben, je suis évident que si je retourne là, je vais me faire descendre. Il faut absolument que je quitte le pays, mais j'ai pas d'argent. Bon, ben, je lui ai envoyé un billet d'avion. Le problème qu'il y a, il fallait y envoyer un aller-retour. C'est que le Canada ne le laissait pas rentrer. Puis lui, il n'a pas question qu'il retourne. Alors, il a fait un aller-retour, il est venu rester chez moi, puis j'ai dit là, je bâtis un bateau. Tu ne peux pas me payer, mais viens travailler un mois de temps pour moi, puis tu seras payé. Il est venu travailler un mois de temps pour moi, après ça, il est disparu. Mais c'était parfait, c'était correct. C'est ça, l'amitié. C'est rien d'autre. Il m'a téléphoné, j'aurais dit non, il aurait cherché ailleurs, ou il serait fait tuer. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça ne me regarde même pas. On rencontre souvent l'expression « moi, j'ai un vrai ami ». Mais j'en ai plein d'amis, mais... J'en ai que quelques-uns, c'est des vrais. Cela veut dire, c'est quoi, ça? Interprétons, ça veut dire que pour eux, une connaissance, je suis un vrai ami. Pour toutes les autres, je ne suis pas un vrai ami. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est évident que si tu ne joues pas à être un vrai ami face à d'autres individus, égoïquement, orgueilleusement, tu diras, ils ne sont pas de vrais amis. Mais c'est à partir de toi, à partir de l'individu, pas à partir de ce que les autres pensent. Tu veux boire, bois. Tu as besoin d'argent, trouve-en. C'est tout. Tu veux que je t'en donne? Non. Tu veux que je te prête de la boisson? Non. Tu arrives complètement chaud, puis tu veux loger chez moi, je t'ai déjà pris deux, trois fois peut-être, je t'ai bien averti. Tu reviens encore chaud, c'est non. Il fait moins 40, tant pis. Tu avais qu'à choisir une journée plus chaude pour boire, mais c'est non. Je suis un ami. Premièrement, je suis un ami pour moi. Et deuxièmement, je suis un ami pour toi. J'investis dans le règne humain. C'est ça, un ami. L'homme qui se croit médiocre va dire, oui, mais qui es-tu pour décider du bon investissement? Je suis ce que je suis. Et si je prends des chances, j'ai plus de chances d'arriver à comprendre la mécanicité de l'investissement. Tandis que si je me laisse vous aller par la culpabilité, jamais, jamais, jamais non comprendre. T'sais? Alors, l'être humain, l'amitié, ce n'est pas de l'échange, dans le sens où tu peux prêter à un ami, mais à quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'étais pris dans le bois. Bon, je ne parlais que parler de moi, mais c'est intéressant. J'étais pris dans le bois et puis j'avais un Jeep et puis j'étais carrément fait. Toute fois, j'ai embarqué mon gars dedans pour aller essayer le Jeep, on est resté pris. Donc, c'était pas à cause de son poids, il avait 10, 11, 10, 11 ans. Mais toutes les fois qu'on l'a pris pour aller essayer, on restait pris. Toutes les autres fois, ça allait bien. Alors là, il pleuvait, j'avais un examen dans soirée, un examen de technique médicale d'urgence, et puis j'étais à Montebello, donc l'examen était à Montréal. Alors, en s'en allant, on fait du pouce, il y a un comptable qui passe avec un camion quatre roues motrices, et puis lui, il me dit qu'il va me tirer, mais j'ai dit qu'il se monte pas là, tu monteras même pas à moitié du chemin, tu vas rester pris. Il est venu voir le Jeep dans le bois, puis effectivement, il a dit non, il faut que tu mettes des chaînes. En tout cas, on l'a criqué, on l'a sorti, mais pour pouvoir ressortir du chemin debout, il n'y avait rien à faire, il fallait mettre des chaînes à crampons après les quatre roues. On est redescendu, puis là, moi, j'étais avec un de mes amis qui avait une chambre dans notre classe, ça allait bien, puis tous mon gars. Alors, il me dit, puis ton examen, t'arriveras jamais à l'heure, on voulait prendre l'autobus ou faire du pouce. Fait que le gars, le comptable, il me dit, c'est quel genre, c'est quoi, c'est-tu bien important? Je dis, c'est important, oui, si je vais pas, je coule, faut que je recommence. Puis le gouvernement nous obligeait à suivre ces examens-là, on payait 2 000 $, si on passait, ils nous remboursaient, sinon, c'était frais. À 4,5 piastres de l'heure, c'était intéressant. Alors, à un moment donné, ben là, il me dit, ce que m'a faire, ben, il m'a passé mon truck. Il m'a aller chez moi, il m'a passé mon camion, tu montras à Montréal, demain, remonte avec tes chaînes, tes cossins, ramène le camion chez moi. On se connaît pas. Alors, j'ai pris son camion, je suis monté à Montréal, passé mon examen, je suis revenu le lendemain matin, j'ai sorti mon Jeep du bois, t'es allé mettre le camion chez lui. Les deux réservoirs de son camion plein, ça va toi. Lui, il était pas là. Pour s'en aller, je l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un imbécile pour aider un camion à quelqu'un qui n'en a pas, hein? C'est un ami. J'aurais pu le voler. J'y ai même dit. Il dit, oui, mais tu ne le voleras pas. Non. Mais effectivement, on peut savoir que s'il y a des personnes à qui tu ne peux pas prêter. Oui. Tu le sais. Sauf que si tu te stéréotypes trop, tu peux plus savoir. Tu préfères ne pas prêter. D'accord. Ne pas donner, ne pas investir. Laisse la chance à l'humain. Donc, deviens un ami pour l'humain. Il faut toujours rester vivant. Oui. Regarde. Tu sais, on va donner la chance aux jeunes qui veulent travailler. Oui, mais il y a aussi des personnes qui se pensent âgées qui veulent travailler. Aux autres, on ne laisse pas la chance. On pense pas. Investir dans l'humain, c'est investir dans de l'énergie humaine. Ce n'est pas investir dans la jeunesse. Ce n'est pas investir dans l'âge apparemment mûr. Ce n'est pas investir dans l'âge d'or, parce qu'elle dort déjà. Ce n'est pas... Ben, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, tu sais, c'est d'or et déjà oublié. Bon, hein, c'est ça que ça veut dire, franchement. Bon. Ce n'est pas ça, être un ami. Un ami, ça veut pas dire que tu passes... Bon, prenons l'exemple des facteurs. Ils font la grève présentement, là, on les haït bien. Mais il y a des facteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont organisés avec des personnes âgées, puis quand ils mettent le courrier là-dedans, là, bien, s'il y a une petite lettre après la porte, ou bien non, si le courrier reste 2-3 jours de temps, le facteur, il enquête. Il vérifie si la personne n'est pas agonisée en temps de temps, ça n'a pas des problèmes, ça ne s'est pas brisé une jambe, ça n'a pas des... Tu sais, bon... C'est quoi le facteur? Il est obligé, il n'est pas payé. S'il peut, peut-être qu'il va demander de payer pour le faire. Mais pour l'instant, c'est des amis. C'est pas dur. Tu ne demandes rien de plus à l'humain. Le gars, il passe, il met son courrier dans la boîte à mal, puis il vérifie. Ou bien non, à 9 h, la madame est toujours réveillée. Fait que lui, il sonne, puis il remet le courrier. Si ça ne répond pas, ils sont entendus, on va laisser un mot, ça passe. Si ça ne répond pas, il va s'organiser pour voir. Il va souvent déranger les gens pour rien. Quand je faisais de l'ambulance, ça arrivait qu'il y ait du monde dormir dans le char l'hiver. Alors, on arrêtait, on frappait, puis on réveillait l'autre en sursaut. Pas de faire dormir, dormir. C'est tout. Mais là, on était un ami. On n'a pas payé pour faire ça. Et c'est de la job réanimer quelqu'un qui est dans le char l'hiver. C'est dehors, tu gèles. Fait que tu peux te dire, c'est ça, un ami. T'as pas besoin de connaître. T'investis dans le genre humain. Mais lorsque l'on connaît, c'est beaucoup plus difficile, particulièrement dans un couple ou dans une famille où l'amitié, ça n'existe plus. Ça n'existe effectivement pas dans un couple ou dans une famille, l'amitié, dans la majorité des couples. Et c'est ce qui est le plus souffrant. Je pense que c'est de ça dont on souffre le plus. Mais ça va toi, pour la simple raison qu'avec tes amis, t'es bien, avec ta femme, ton mari, tu ne sais plus, puis avec tes enfants, t'as pas de relation. Tu peux même aimer plus les enfants des autres. J'ai déjà dit de toute façon, dans une société comme aujourd'hui, c'est que toi, tu devrais éduquer les enfants des voisins, puis les voisins, ils devraient éduquer tes enfants à toi. Parce que les enfants des voisins sont tellement si fins, si gentils, hein, puis les tiens tellement pestes. C'est la même chose pour les voisins, ça irait bien. Puis les enfants des voisins t'écoutent, tes enfants t'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amitié. J'ai enseigné longtemps, j'ai fait bien des choses, puis il y en a beaucoup qui le font. C'est dès qu'ils vont dire, ouais, mais t'as le tour avec les enfants. Pas le tour avec les enfants. J'ai le tour aussi avec les adultes. J'ai pas le tour non plus. Deviens un ami. Un ami, ça reste autoritaire. C'est-à-dire que j'ai mes paramètres. D'accord? Et dans ces paramètres-là, tu ne pénètres pas. Simple. Si un jour je te permets de pénétrer, je t'avertis d'ores et déjà quand tu pénètres que là, c'est exceptionnel. C'est bien simple. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, tu sauras à quoi t'en tenir. T'as un ami, tu voyages avec. Une fois que t'arrives dans un autre pays, il a la diarrhée, il chiale, il veut plus d'argent, il a peur. Tous les fois, tu joues, tu voyages plus avec. Puis tous les années, tu recommences à voyager avec. Ben, tu connais le contrat. Si tu pars avec, chiale plus. Tu sais comment qui est. Sinon, pars pas avec. Ouais, mais il aurait pu changer. Tu connais le contrat. C'est tout. Et lui, mais non. Il y a des clés. Là, je voulais bien faire comprendre la facilité. Alors donc, l'amitié, c'est la possibilité qu'ont deux êtres humains par le fait même qu'ils sont énergétiquement, disons, biologiquement, chimiquement, électroniquement, neuroniquement, cérébralement, endocrinalement parlant, constitués pareil. Bref, qu'ils sont énergétiquement semblables. Et ils sont l'expression d'une intentionnalité similaire. C'est-à-dire que deux êtres humains ne sont pas sur le plan planétaire pour des fonctions différentes. Autrement dit, l'être humain a une raison d'être. Il y a une fonction à l'humanité. Il y a une fonction à l'existentialité de notre planète. Et il y a une fonction à l'existentialité du système solaire, de notre galaxie, de notre univers, de notre super-univers et en fin de compte, de la création. Et l'être humain n'est pas, on l'a vu dans différentes conférences, n'est pas sur le plan planétaire pour plaire à des dieux qui s'ennuyaient. Il a peut-être été conçu à l'image et à la ressemblance d'une entité créationnelle, mais ce que l'être humain connaît de cette phénoménologie n'est rien. Lorsque l'homme s'adresse à des dieux ou à un dieu, s'adresse à des constituants créés, par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et ces constituants psychologiques, conceptuels, ont été placés dans une mémoire planétaire, le ciel, pour pouvoir supporter l'ignorance de l'homme pendant un laps de temps qui devrait s'échelonner sur quelques millions d'années. Alors, depuis l'époque du précambrien, en passant par toutes les époques que l'être humain a connues, nous en sommes venus, nous avons fait une transition de l'animal à l'animal humain, de l'animal humain à l'humain, certains appellent cela l'être humain, et nous devons continuer cette transition de l'être humain à l'être, c'est-à-dire à une individualité exprimée qui n'a pas besoin de s'identifier à elle-même par comparaison à l'extérieur pour avoir conscience d'être. Ce qu'est l'humain présentement, ce que j'appelle l'homme ancien et ce que j'appelle l'homme transitif. Il est bien évident que lorsque je parle d'homme, de femme et d'enfant. L'amitié, c'est la relation qui existe d'instinct. C'est la relation qui existe entre les différents éléments d'un événement. Et cela, l'amitié. Si l'événement n'allie pas les gens ou les choses, il n'y a pas d'amitié. Le maringouin a besoin de sang pour pouvoir se reproduire. Il doit donc piquer. Nécessairement, une amitié existe entre le maringouin et l'animal qui l'ira piquer. Si l'animal est un animal humain, c'est-à-dire un corps biologique qui comporte différents plans, dont un plan de conscience, amique, psychologique ou mental, un être humain, il doit exister aussi une relation entre le maringouin et l'humain. Une relation qui sera l'événement, la piqûre, ou l'achalandage auditif. Maintenant, l'amitié doit exister, elle doit être capable de s'étendre de l'humain ami vers le maringouin. Cela n'empêche pas l'humain de tuer le maringouin, parce que l'humain est une condition biologique qui, adaptée au maringouin, prévoit, disons, a une prévalence sur le maringouin, c'est-à-dire que l'humain a pour première fonction de rester en vie, et comme deuxième fonction, de rester en vie en santé. Ce sont des phénomènes de base. La survie du véhicule qui transporte l'amélioratif, l'évolutif, l'homme. Alors, lorsqu'un insecte, lorsqu'un animal, lorsqu'une plante, lorsqu'une roche, lorsque n'importe quelle condition événementielle s'approche d'un humain, celui-ci ne doit jamais investir plus d'énergie dans l'événement que l'événement demande. Autrement dit, l'exemple le plus évident, c'est lorsqu'une abeille et un thon rentrent dans notre automobile, il ne pique pas, il n'a qu'une seule fonction, quitter l'automobile. C'est un accident, c'est-à-dire que l'automobile était à la mauvaise place au mauvais moment, ou bien le thon, l'abeille, la guêpe était au mauvais moment à la mauvaise place, et elle se retrouve dans votre automobile. Lorsque l'humain n'est pas un ami, ni pour lui, ni pour le reste de l'écologie, il sort un papier journal, il sort quelque chose, annihilé, sa conscience carrément obturée par la peur, il tue l'intrus. Il a peur d'être piqué. Alors que dans la réalité des choses, on ouvre des fenêtres, on s'arrange pour laisser l'intrus sortir. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa fonction que de mourir écrasé d'appareil journal sur une vitre d'automobile. Et ce n'est pas la fonction de l'humain non plus d'être piqué par cette chose. Cet être pique pour se nourrir et elle ne mange pas de bébite aussi grosse que l'homme. Et elle pique pour se défendre. Ne l'attaquez pas, mais laissez-la libre. Donc, la relation amitié est une relation d'attitude de l'évolution de l'homme. Et c'est une des raisons, une des fonctions révélatrices de l'évolution de l'humanité. L'homme évolue d'une façon collective. C'est l'un de ses grands problèmes, l'évolution collective. C'est-à-dire qu'il se pose toujours la question, « Ouais, mais c'est pas parce que moi, m'a changé que le monde va changer. » Non. Et le monde n'aura pas complètement changé si toi, tu n'as pas changé. Parce que tu en fais partie. Et d'attendre continuellement après l'évolution de la globalité de la collectivité, c'est d'attendre après l'ignorance. Parce que la collectivité a pour première fonction d'attendre après la collectivité. Donc, elle attend après elle-même, donc elle ne change pas. Les marginaux seuls changent les sociétés parce que la collectivité, après avoir hésité, après avoir refusé, après avoir voulu démolir, suit. Donc, il n'y a que le marginal qui fait évoluer les masses. Et le marginal se doit d'être l'individu. Et l'individu se doit d'être l'homme. C'est vous, l'individu. Et dans un langage plus précis, c'est toi, l'individu. Alors, on ne doit pas se demander si le reste va changer si nous changeons. Mais on doit savoir que si nous changeons, nous changeons. Et le reste, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'un jour, vous décidez de préserver les pissenlits que les conifères qui poussent dans les forêts vont permettre aux pissenlits de pousser. Leurs conditions biologiques leur fait jeter des épines au sol qui rend stérile la terre en dessous d'eux et le pissenlit ne poussera pas. Alors, si vous vous dites, moi, j'écrase le pissenlit, je cesserai de l'écraser lorsque les conifères auront commencé à les laisser pousser. Vous les écraserez toujours. La condition du conifère n'est pas la condition de l'homme. Et entre les hommes, il y a des différences. Et la condition d'un individu n'est pas tributaire de la condition de la collectivité si l'homme pense devenir son seul maître. Son seul maître, cela veut dire que la vie, la relation d'amitié va dépendre de ses conditions à lui et non pas des conditions de l'extérieur. Les autres penseront que vous n'êtes pas des amis. Ça n'a aucune importance. Ce que vous faites est juste, intelligent, conséquentiel. Vous êtes un ami. L'ami n'a pas besoin d'être annoncé. Et si vous devez être accrédité par autrui pour penser que vous êtes correct, sachez que vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas un ami envers vous-même. Vous ne vous respectez pas. Vous ne pouvez vous respecter que si les autres vous respectent, d'où l'illusion de la farce. Être capable d'agir avec l'humanité. Être capable d'agir si l'on sait que notre action est conséquentielle. Être capable d'agir, s'il le faut, contre l'humanité. C'est cela, l'amitié. Alors, l'humain peut penser que celui qui se décide à être correct, qui décide de travailler contre l'humanité, c'est dangereux. Non. Parce que s'il n'est pas conséquentiel, l'humanité travaillera contre lui et l'humanité pourra le démolir, l'annihilera complètement. Adolf Hitler, tant qu'il travaillait pour l'humanité lui a permis d'être. Lorsque la division des races, lorsque les différentes nationalités avaient été éparpillées partout sur la planète Terre, pour obliger le mélange racial au niveau des sanguinités, de façon à créer des corps physiques qui seraient plus capables de supporter de l'intelligence, de façon à créer des corps physiques héréditairement plus solides, Lorsque cela avait été accompli, la guerre aurait dû cesser. Adolf Hitler ne pouvait plus comprendre, parce que la puissance du début avait été transformée par lui-même en pouvoir. Alors son pouvoir, il ne pouvait pas le perdre aux dépens de la souffrance de son égo. Alors il a voulu continuer la guerre. Alors nécessairement, la raison d'être de sa fonction étant maintenant terminée, accomplie, il a dormi un soir en Normandie, un soir où les Alliés débarquaient en Normandie et la guerre a été finie. Lorsque les choses se doivent d'être faites, elles se doivent d'être faites. Lorsque le président des États-Unis d'Amérique a été manipulé pour obliger les États-Unis d'Amérique à entrer en guerre pour faire cesser la guerre, il a permis que Guadalcanal soit détruit et que des milliers d'Américains meurent. C'était la seule façon d'obliger le peuple américain à entrer en guerre, parce que le peuple américain n'est pas un peuple de guerriers, c'est un peuple de constructeurs. Alors évidemment, lorsque les îles Pearl Harbor et tout cela ont été, lorsque la grande majorité de la flotte américaine a été démolie dans le Pacifique, les Américains ont accepté la guerre. Lorsqu'une condition intelligente doit être appliquée, elle est applicable. Lorsqu'elle ne doit plus être appliquée, que l'homme le veuille ou non, elle disparaît. L'amitié, c'est un peu s'allier aux forces d'évolution. C'est un peu s'allier aux forces de la vie, aux forces d'amélioration, c'est-à-dire à ce qui permet à l'être humain de se dissocier de plus en plus de la limitation imposée par la matière. L'alimentation, la vestimentation, la santé, le corps. Lorsque l'homme arrive, par le biais de l'amitié, à engendrer un écosystème planétaire convenable, il fonctionne. Envoyer des richesses et des vivres dans des pays développés est une aberration contre l'amitié. Parce qu'on éduque les gouvernements à continuer à terrasser les peuples, les gouvernements peuvent s'enrichir, les autres nations s'occupent de leur population. On doit laisser crever les populations, et lorsqu'elles seront écœurées de crever, elles vont renverser le gouvernement et instaurer un gouvernement qui sera adapté à ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est de l'amitié. Parce qu'on permet à un peuple qui est en voie de sous-développement d'arriver à stagner pour par la suite commencer à évoluer, c'est-à-dire à améliorer sa condition. Alors l'être humain n'a aucune idée de ce que c'est que l'amitié. Cesser de nuire, c'est déjà le premier pas pour aider. Et ça commence dans nos propres foyers. C'est une difficulté de réaliser cet objectif-là, parce que finalement, ça prend énormément de discernement. Ça ne prend pas de discernement, ça prend de l'anégoïsation. C'est-à-dire que l'être humain a été éduqué à aider. On ne doit pas aider. On doit accomplir des choses, mais on ne doit pas aider. Si j'aide quelqu'un, je sais que j'aide. Si je sais que j'aide, je ne suis pas humble dans mon aide. Je sais que j'ai aidé. Alors, j'attends un remerciement. J'attends une accréditation. J'attends un sourire. J'attends au moins de savoir que ça lui plaît. Donc, j'aide pour le têter. J'aide pour que ça lui plaise. Si ça lui plaît pas, je suis frustré. Je te donne un cadeau, tu le développes. Tu dis, ah, merde, un autre bibelot pareil. Merci. L'intention est bonne. Poubelle. C'est parfait. Le jeter devant, le jeter après. Je le jette. Mais l'autre me l'a donné, pas parce qu'il est mon ami, parce qu'il a besoin de sentir qu'il rend les gens heureux, parce qu'il a appris qu'il devait rendre les gens heureux, parce qu'il a appris qu'il serait heureux en rendant les gens heureux. L'entraide internationale actuellement est un peu de ce genre de calibre. Oui, tu peux t'entraider internationalement pour aller taper sur la tête de certaines choses internationales, comme le terrorisme. Mais tu ne peux pas t'entraider pour nourrir les peuples du terrorisme. Certains moments donnés, lorsque les Russes ont envahi l'Afghanistan, les Canadiens ont boycotté les autos Lada. Alors, j'ai un de mes amis avec qui je travaillais, qui est un syndicaliste hyper converti, et il a dit que c'était stupide parce qu'on privait de travail des milliers de Russes qui n'ont rien à voir avec le gouvernement soviétique qui a envahi l'Afghanistan. Je suis d'accord avec lui. Mais on va changer les idéologies, s'ils ont à être changées, que par les voies du changement. ce n'était pas à l'Angleterre de venir révolutionner la France. C'était aux Français de créer la Révolution française lorsque les Français en auraient besoin, lorsque ce serait le temps. Donc, on n'avait pas à s'en mêler. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont signé leur indépendance, ce n'était pas parce que la Pologne s'en est mêlée. C'est parce que les États-Unis d'Amérique étaient sur le point d'être capables de supporter l'indépendance, alors ils l'ont décidé. Lorsque tu rentres dans un pays comme les Soviétiques sont entrés en Afghanistan pour les délivrer, et le premier Afghan venu disait « Félicitations, venez nous sauver! » Mais de quoi? C'est le problème. Lorsqu'on veut aider, souvent on veut aider l'autre. Mais l'autre, l'aide que tu lui apportes, est-ce que c'est de l'aide? Souvent, on aide les enfants et on leur nuit. Souvent, on aide les voisins et on leur nuit. Tu sais, la personne qui a de la misère à monter ses paquets d'un escalier, laisse la forcer un peu. Elle va se renforcer. Ouais, mais c'est une personne âgée, c'est ça. Donne-lui toute la condition événementielle, le cadre, pour qu'elle s'affaiblisse et qu'elle devienne indépendante à jamais du reste de l'humanité. Et là, on pourra dire c'est de l'âge d'or. Là, elle a besoin d'une personne de traverser la rue. Là, elle a besoin d'une personne de monter son petit paquet. Là, elle a besoin d'une personne de faire ses commissions. Là, elle a besoin... C'est écœurant. Alors, une personne qui a toujours fonctionné, lorsqu'elle prend sa retraite, ben, on décide que maintenant, elle a besoin de nous autres. Alors, on crée des services. Mais non, on l'asservit. Pas pareil. Pas de l'amitié, ça. Oui, mais bon, je connais une personne qui est handicapée. Une thrombose cérébrale. Alors, effectivement, elle marche lentement. Elle a de la difficulté à monter un escalier. T'as laissé aller. Qu'elle n'aide les misères un petit peu. Elle est heureuse là-dedans. Mais quand elle est toujours comme une mouche à marde autour d'elle pour essayer de l'empêcher d'avoir des problèmes, comment tu penses qu'elle vit sa condition d'humain? Elle vit plus. D'ailleurs, les handicapés l'ont dit souvent. Notre premier handicap, c'est les autres. C'est les normaux. Crème, t'essayes de monter un trottoir avec ta chaise roulante, là, qui est poussée. Comment tu vas apprendre à la monter? Tu peux pas. Quand c'est un escalier de 8 marches, là, c'est évident que t'as beau te pratiquer bien gros, tu monteras pas. Là, c'est correct. Il y a plein de choses comme ça. Et les handicapés ont appris que lorsqu'une personne allait leur dire « Avez-vous besoin d'aide? » Bien, ils ont appris qu'il fallait qu'ils disent oui. Parce que s'ils disaient non, je serais carrément là. Puis le problème qu'il y a, c'est souvent la personne qui veut aider parce qu'elle a le concept qu'elle doit aider, elle nuit. Je sais pas si tu as vu une chaise roulante se faire renverser par deux personnes qui voulaient l'aider à monter, alors que l'handicapée, elle avait besoin de personne. C'est un peu comme la vieille qui est aveugle, tu sais. T'apprends, moi, vous aidez à traverser la rue. Non. Oui. Rendu là de bord, t'as laissé là. Là et là. Merde! Je voulais pas traverser! Tu sais, tu l'as aidé. Ouais, là, maintenant, il faut qu'elle traverse. Elle voulait pas traverser, elle s'en allait vers là-bas. Elle. Toi, tu l'as aidé à traverser. Tu sais, c'est plein de conneries. Oh, on exagère, on s'amuse. Mais l'amitié, c'est d'être disponible. Hein? Être disponible, ça veut pas dire être vendu. Ça veut pas dire être au-devant des problèmes des autres. Ça veut dire que tu es là. Tu n'es pas là en attente qu'il te téléphone. Pas ça être disponible. J'ai besoin de toi. Oui. Ça veut simplement dire que quand il te téléphone et que t'es pas là, t'es pas là. Quand il te téléphone et ça te tente pas de répondre, tu réponds pas. C'est pas que c'est lui. Oui, mais c'est peut-être normal qu'il y ait des problèmes. Puis, si tu seras pas là, elle n'aurait pareil. Si tu veux dormir, tu dors. C'est ça, être un ami. Parce que tu commences par toi. Parce que sinon, tu n'arrives pas à être dans une condition humaine adéquate pour devenir fonctionnel. Imaginez-vous bien que si vous passez votre temps à aider les autres et à vous altérer au point que vous avez besoin d'aide des autres, ben, on s'en sortira jamais. Moi, je suis ici, j'aide machin. Machin, il aide bidule, bidule, il m'aide moi. Moi, je peux pas m'aider, je suis trop pogné à l'aider lui, donc j'ai besoin de bidule. Bidule, il peut pas s'aider, il est pogné à m'aider, donc il a besoin de machin. Puis machin, mais tellement pogné à aider bidule qu'il a besoin de mon aide. Et ça, la société. Alors moi, je décide que je m'organise. Toi, là, je démerde. Je m'organise. Ah, évidemment, c'est chien. C'est pas chien. Parce que là, bidule, il aura plus besoin de m'aider. Il va pas se prendre en main. S'il se prend en main, il libère machin. Les machines vont se prendre en main, ils n'ont plus besoin de moi. Ouais, toi, intelligent, heureux, sa planète. Alors là, on va marcher quelque part, on va se rencontrer. Tu sais, mon auto est pris dans neige, la tienne n'est pas prise dans neige. Mais c'est intelligent, c'est écologique d'aider un voisin à sortir. Pas au nom d'une morale quelconque, au nom du fait que la souffleuse, elle va mieux passer. Au nom du fait que le gars va arriver à son travail à l'heure. Au nom du fait qu'il n'y aura pas de chicane à sa femme. Au nom du fait qu'on va arrêter d'instruire une société à être malade. Tu sais, la femme est nerveuse, le bonhomme, il marche plus. Au nom du fait qu'en arrivant à l'heure, il permet à du monde de vivre. Il permet à une société de tourner. Au nom du fait que c'est intelligent. Oui, il y en a qui investissent, ils disent, oui, mais si j'aide quelqu'un, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'aider. Ça, c'est stupide de penser comme ça. C'est stupide. Moi, je pousse parce que si un jour, tu sais, je prie, on va me pousser. Maintenant que j'ai un Jeep, je pousse plus parce que jamais on n'aura besoin de me pousser. L'humain fonctionne très rapidement comme ça. Exactement. C'est pas long qu'il marche comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est une condition sociale. C'est une condition sociale. C'est un peu comme tu écrases pas une fourmi. Peut-être qu'un jour, elle ne m'écrasera pas, tu sais. Mais il y a une espèce de bébite qui passe, qui bouffe la fourmi. C'est écologique. Tu n'as pas à les écraser. Si tu ne les vois pas, tant pis. Elle ne va pas être là. Mais si tu les vois, tu ne les écrases pas. La bébite, elle s'est bouffée par un autre bébite qui s'est bouffée par un oiseau. L'oiseau se fait bouffer par un aigle. Puis l'aigle, ben, à un moment donné, il va dans ta cour. Il est vivant, l'aigle, parce qu'il a bouffé des trucs, il a bouffé la fourmi. Puis dans ta cour, à un moment donné, il y a un rat qui sort, qui a la peste, qui meurt là. Toi, tu peux sortir, ou tu as ton enfant qui peut sortir, mais l'aigle descend, il mange des trucs morts. Il ramasse le rat, puis il s'en va avec. La fourmi, elle a permis à un aigle de venir bouffer le rat chez vous, qui t'empêchait d'avoir la peste. C'est ça, l'écologie. L'humain va dire, ouais. Ça, c'est ça l'écologie. Tu sais, c'est pas grave de mettre une molécule de plus d'acide nitrique dans l'air ou d'acide sulfurique, tu sais, d'anhydride. Quand il pleut, ça fait de l'acide sulfurique, ça tombe à terre, y a rien là. Sauf que lentement, les eaux deviennent acides, les œufs des poissons peuvent pas éclore là-dedans, les alvées ont des problèmes, fait que lentement, ben, les poissons meurent. Puis après, s'ils lisent, OK, bouffe. Oh, ouais. Les ours meurent aussi, mais à un moment donné, on se ramasse avec un écosystème hors société qui devient stérile, et c'est celui-ci qui permet à la société, aussi orgueilleuse et fermée soit-elle, d'être. Ah, ça crée un problème. Alors, autant être l'ami de l'ami. Qu'est-ce que c'est que les petites choses? Un jour, à cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, un fer a été perdu. À cause d'un fer, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. À cause d'un cavalier, la guerre a été perdue. C'est ça, les petites choses. C'est ben ridicule. C'est ça, un écosystème. Le patron, qu'est-ce qu'il fait le patron au niveau de ses employés? Ben, il paye ses employés. Non, c'est faux. Les employés travaillent et ramènent de l'argent à la compagnie. Et les employés en donnent partie au patron. Donc, les employés payent le patron pour que le patron leur dise de travailler plus vite. Ce qui se passe. Ça, c'est le point de vue du syndicat. Mais ils ont raison. Finalement, le patron, il loue le temps des autres. Sauf que les employés sans patron ne travaillent pas. Ils ne sont pas capables de gérer. Ils ne sont pas capables d'investir. Ils ne sont pas capables de risquer. Ils ne sont pas capables d'avoir des ulcères à l'estomac au bout de la job. Eux autres. Eux autres, quand ils partent de la job, là, ils oublient tout. Ils ne sont pas capables. Alors, il y en a un qui doit payer pour ça. Il y a un humain qui est mandaté. Sa fonction, c'est de partir et d'ouvrir une entreprise. Parce que sans boss, tu sais, il n'y a pas de société. On peut chioler, on peut syndicaliser, mais il y a un problème. Sauf que le patron, lui, c'est comme le roi. Le roi, il envoie ses armées pour ramasser ses impôts. Mais s'il tue tous ses paysans, il n'y a plus personne qui cultive. Le roi n'est pas fort. Le paysan crasseux, là, qui pue, là, que tu peux avoir dedans ton royaume, tu sais, yark. Sans lui, tout aussi tu as pué, ne sera pas là. Parce que le savon, c'est lui qui le fabrique. L'argent, c'est lui qui le fait. Tout au complet. Ça, l'écosystème. Alors, à un moment donné, je rencontre un commerçant. On va faire des quitations. Alors, on fait des quitations, et puis en sortant de là, je demande au gars, j'essaie de jaser avec le propriétaire du ranch. Puis quand on a eu fini, bien, le gars fait de l'argent avec nous autres. Il lui louait ses chevaux. On y amenait de la clientèle. Nous, on se servait du ranch pour faire des choses, pour instruire des individus à cellulariser des cours qu'on donnait ici à la vie. À un moment donné, viens me voir, sais-tu qu'un client, c'est important, c'est agréable, parce que tu sais jamais à travers des 100 clients qui viennent, lequel qui est le client. C'est pas juste ça, c'est qu'un client, c'est un être humain. Tu travailles avec de l'humain avant de travailler avec de la matière. Si ton client, il est heureux, il est heureux. De toute façon, t'empêches une chicane familiale, tu crées un divertissement. Toi, tu fais de l'argent, tu fais rouler l'argent, tu fais rouler l'économie, tu fais rouler tout. En tout cas, c'est un système très, très compliqué, tellement complexe que l'humain finit par plus vouloir le voir. L'amitié sur la planète Terre, c'est la relation instinctive entre deux humains. C'est la reconnaissance qu'un humain offre à un autre humain. À un moment donné, l'amitié, il faudra l'étendre à l'extra-humanité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, veut, veut pas, il y aura d'autres choses que des humains. Il faudra que l'humain sache qu'un ami, c'est pas juste un, c'est une condition énergétique, c'est pas juste le fait que tu es humain. L'autre, il ne vient pas de la planète Terre, ben, il y a le Bjark. Ben non, mon nom. Tu sais, parce que présentement, disons, c'est plus miam, là. Tu sais, les dieux viennent de là, tu sais, là. Ils viennent polluer avec le maudit vaisseau, l'ozone de la planète, bon, ils adorent, tu sais. Bon. Donc, l'amitié, c'est une condition essentielle à l'évolution de l'humanité. C'est une condition essentielle pour la seule raison que tous les humains sont reliés ensemble. Autrement dit, vous travaillez tous pour la même cause. Que l'on connaisse la cause ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien, on crée des attitudes. Tu places des boulons sur une auto de la compagnie Ford. Tu places des boulons, tu croches, pas grave, t'achètes GM. Sache qu'il y a un cave chez GM qui pose ses boulons, croche lui aussi. Fait qu'à un moment donné, tu te promèneras dans un char GM qui perdra ses roues, puis ça sera parce que tu t'en poses. Oui, mais si je les pose bien chez Ford, le cave va continuer à les poser mal. Oui, mais on crée une attitude sociale qui fait que dans 10 ans d'ici, il n'y aura plus de cave. Ouais, mais moi, être mort, moi, ça change rien. Tu vas être mort. Il y aura des enfants qui vont être là, puis c'est pas grave. Mais il y aura leurs enfants à un moment donné, puis c'est pas grave. Puis il y aura leurs enfants à un moment donné qui sera peut-être toi. Là, peut-être que ça sera intéressant. Tu sais, il y a eu un bout de temps, quand l'être humain était relié à l'instinct, à l'instantanéité, il pensait à laisser à ses enfants des conditions sociales intéressantes. Aujourd'hui, ils pensent de moins en moins. Oh, on laisse de l'argent, on laisse une maison ou deux, mais on se fout du cadre dans lequel ils vont vivre. Mais on va revenir dans ce cadre-là à un moment donné. Donc, l'amitié familiale, c'est quoi? Il faut absolument, ben c'est bien simple, ça demande un petit peu d'habitude. Faut cesser de s'appeler Minou, Pitouche, Patoche, Cossin, Bidule, en tout cas, des cossins comme ça. Pour la simple raison que l'être humain a un prénom. Et le prénom, c'est une vraie folie, parce qu'on a un nom, puis on a un subnom. Ou un sunom. Le nom important, le nom de l'onde de forme, le nom important, c'est le prénom. Ton nom, c'est Daniel. C'est pas Dan, c'est pas Chose, c'est pas Tipit, c'est Daniel. Et c'est une vraie farce. D'ailleurs, ici au centre, quand des personnes s'inscrivent, on demande Daniel Bolduc. On demande leur nom et ils nous disent Bolduc Daniel. On les regarde avec un air que si on aurait des fusils à la place des yeux, ils seraient pas longs, ils seraient pas longs feu. Alors, ton nom, c'est Daniel. Dans l'ordinateur, c'est Daniel Bolduc. On cherche dans T, pas dans B. Bolduc, c'est le nom de la lignée collective, c'est la famille. Les enfants doivent t'appeler Daniel. C'est ton nom. Pas papa. Papa, c'est une collectivisation totale de toute l'entité patriarcale de la famille. Faut pas avoir un ami. Maman, c'est le même phénomène. Allez, non. Porte le nom. Les enfants doivent pas avoir de déformation de nom. Ils ont un nom. On les appelle par leur nom. On crée une relation d'amis. Mais une relation d'amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et dans le couple, pour cimenter un couple, c'est mauditement important d'être des amis. Le mariage, c'était intéressant. C'est un pacte dans la matière d'une signature ou d'un pacte dans l'énergie. L'énergie astrale, psychologique, énergie vitale, l'énergie physique. C'était important de signer mémoriellement sur tous les plans le mariage, c'est-à-dire de sceller le fait qu'un homme et une femme s'entendaient pour mourir l'un à l'autre. C'est ça le mariage. Et en mourant l'un à l'autre, ils renaissaient en tant qu'une entité. Tu n'avais plus l'homme, tu n'avais plus la femme, tu avais le couple. Sauf que aujourd'hui, dans les temps actuels de l'évolution améliorative de l'humain, il ne peut plus mourir l'un à l'autre. Ils doivent maintenant redevenir des entités. Regardez ceci. Il y a eu un temps où l'être humain était hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il était capable de se diviser lui-même, donc il s'auto-engendrait, c'est-à-dire qu'il était capable, il ne ressemblait pas à ce qu'on est là. Mais comme les cellules se divisent en se scindant en deux, on a l'hippocampe qui est hermaphrodite, on a les vers de terre, hein? On va dire c'est pas génial, mais en tout cas on a les animaux qui sont hermaphrodites. L'humain avait la faculté de s'auto-procréer. À un moment donné, je prends des 15 millions d'années, l'être humain a commencé à se servir de l'énergie de reproduction, la vie, l'énergie sexuelle, c'est une forme, l'énergie yin-yang et aminale, c'est de se servir de la vie, pour développer un centre laryngé lui permettant d'avoir une élocution, développer le verbe, la parole, et pour développer non plus l'archéocérébellum, le vieux cerveau, mais un néocérébellum, un nouveau cerveau, qui se scindrait en deux hémisphères cérébraux, reliés par un hippocampe, un corps calleux, et ayant une programmation neuronique lui permettant de supporter l'association mémorielle logique, ce qui a amené à l'humain l'intellect, et lui permettant de supporter une conscience émotive pour commencer, mentale et supramentale par la suite. L'être humain, lorsqu'il a vu sa division énergétique se scinder, c'est-à-dire qu'une partie est restée au niveau de la reproduction et une partie est montée au niveau de laryngée cérébrale, il n'avait plus la puissance énergétique pour se reproduire. Nécessairement, les sexes sont apparus, c'est là que la jeunesse commence, et on a eu une sexualisation des corps pour finalement en arriver graduellement à l'état de mammifère qui engendre évidemment l'humain d'aujourd'hui. À l'époque, l'humain pondait des œufs, l'œuf était solide et le bébé éclosait. À un moment donné, l'humain pondait l'œuf et l'œuf éclosait de suite, donc il était ovovivipare après avoir été ovipare. Les certains serpents sont encore ovovivipares. Et aujourd'hui, le mammifère, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'enfant et il pond l'œuf après. Étant donné que, évidemment, l'œuf n'a pas besoin d'être protégé de l'extérieur, on appelle ça le placenta. Bon, mais l'œuf est là quand même et l'œuf sort après. Dans certains cas où on a des petites erreurs, c'est pas on jette le bébé et on regarde la suite. Hein? Bon, c'est bon. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas fités. Donc, on a cette évolution. On en est rendu à la sexualisation et de plus, et on peut constater au Québec que de moins en moins les jeunes veulent avoir des enfants, mais ils adorent les enfants. C'est normal parce qu'ils vivent une condition qui demande plus longtemps de développement neuronique et laryngé, ajustement de la parole et mutation neuronique, ce qui oblige évidemment une quantité d'énergie sexuelle plus grande à s'en aller là. Pour la femme, elle la conservera dans elle devra donner un peu moins d'affection à un enfant. Donc, elle va préférer ne pas avoir d'enfant ou attendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de plus en plus l'être humain doit se rediriger vers l'individualisation au niveau de la métier, au niveau des plans énergétiques, parce que de l'individu, on est passé à la sexualisation des couples. Et lorsque l'être humain, dans l'Antiquité, se fusionnait par le mariage pour devenir un, c'est qu'il s'arrangeait au niveau du plan évolutif pour évoluer en tant qu'un individu, comme l'individu évoluait à l'époque lémurienne, donc à une époque antérieure à la nôtre, et comme l'individu va évoluer dans l'époque nord-américaine qui s'en vient, c'est-à-dire une époque où on aura un phénomène évolutif extrêmement différent de ce que l'on connaît présentement. D'accord? Alors donc, présentement, l'être humain, le mariage, c'est un concept intéressant qui, dans l'Antiquité, était hautement intelligent et hautement utile parce que l'être humain, dans sa division, l'être humain n'arrivait pas à supporter son individualité, alors il se fusionnait ensemble par des mécanismes théologiques de façon à assimiler dans différents plans le fait qu'il se fusionnait pour être un. Maintenant, aujourd'hui, l'être humain évolue d'une façon individuelle, donc l'être humain n'a plus la nécessité, dans la majorité des cas, d'être un. Alors, le mariage devient une chose qui n'est plus nécessairement nécessaire. Et on peut se rendre compte que dans la majorité des couples non mariés, la durée de vie du couple est beaucoup plus longue que dans la durée de... religieux, oui, mais de moins en moins, beaucoup plus social. Bon. Alors, le mariage, très intéressant, drôlement utile. Sauf que de plus en plus, l'être humain s'individualise. Donc, il recherchera dans le couple beaucoup plus souvent l'amitié que le concept idéologique du couple. Alors, on peut être amis dans un couple. Nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont des enfants pour l'instant, au niveau de la forme biologique et de l'expression de l'intelligence par l'imitation neuronique et endocrinienne. On doit avoir une relation d'amis, donc ils ne peuvent pas être nos serviteurs. On ne peut pas être leurs serviteurs. On peut s'échanger des relations, donc des services. On peut s'échanger des énergies, donc de l'affection. On peut faire bien des choses, comme avec des amis. Et la relation entre l'homme et la femme, c'est le même phénomène. Ils s'engueulent, ils s'astinent tout le temps. S'ils décideraient de vivre en tant qu'amis, et souvent ils vont le dire, « OK, on va se séparer, mais on va rester de bons amis. » Mais c'est la sainte preuve qu'effectivement, une fois marié, tu tues l'amitié. On était amis, on vit ensemble, puis ça ne marche plus. « OK, on va se séparer, puis on va rester de bons amis. » Et il se trouve que souvent, s'ils acceptent d'être de bons amis, ils peuvent vivre de l'amitié. C'est ça, l'amour intelligent. Mais c'est pas nécessaire de se séparer pour être amis. Sauf qu'il faut accepter bien des conditions. Dans un couple, la condition principale et primordiale, c'est que chacun ait sa chambre. Extrêmement pénible, oui. On commence avec chacun son lit. Ça l'aide déjà à mieux dormir. Ça l'aide déjà à régler les problèmes et effectivement avoir chacun sa chambre. On va dire, oui, mais économiquement, on peut pas. Donc, on le fait pas, c'est tout. J'explique des principes. Mais on doit être capable de s'arranger pour ne pas devoir à quiconque. On échange des énergies. Certains, oui, mais il faut qu'on commence à tout calculer. Oui, échangeons intelligemment. Mais qu'est-ce qui arrive de l'enfant qui naît de deux personnes qui étaient amies? Qui s'en occupe? Qui va prendre la responsabilité de ne pas travailler? Ou enfin... Les deux n'ont qu'à s'entendre. L'enfant, lui, ne souffre pas du problème tant qu'on ne l'instruit pas qu'il y a un problème et que c'est bien grave qu'il en souffre. Mm-hmm. Lui, il ne sait pas qu'il y a de problème. Ça ne veut pas dire à un papou qu'il souffre bien gros de power le transistor. Ben, effectivement, tu peux lui montrer à souffrir. C'est peut-être pas un problème au niveau de l'enfant, mais un problème au niveau de l'adulte. Oui. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsqu'un enfant vient au monde, on ne crée pas un enfant au niveau émotif, on crée un enfant par intelligence. On doit savoir qu'est-ce que l'on fait. L'enfant est une troisième personne qui vient manipuler la liberté, le libre-arbitre de la famille. Et l'enfant, on doit s'en occuper. Qui va s'en occuper? Ça, c'est à vous autres de régler ça. C'est pas à moi de dire qui c'est qui va faire quoi. Chose certaine, c'est que l'enfant est une entité à part qui doit être, évidemment, éduqué, pas élevé. Hein? On n'élève pas un enfant, on l'éduque. Puis on l'éduque comment? En lui laissant faire son expérience. Par le paramétrant. On a déjà fait des conférences sur l'enfant nouveau, puis sur l'éducation aussi, de toute façon. Alors donc, l'amitié doit apparaître. Entre les couples, on doit s'appeler par nos prénoms. On doit avoir une relation d'amis. C'est-à-dire qu'on doit permettre à l'autre d'être lui. Hein? J'ai déjà expliqué que dans l'amour, on ne se respectait plus. Ton meilleur ami, tu le respectes. Alors, tu vas aller au vu, il te dit oui. Quand tu viens me sortir, il t'appelle, il dit qu'il ne peut plus s'étendre plus. Parfait. Si c'est un ami, tu te dis OK, ben c'est correct. Mais si c'est ton conjoint qui change d'idée, alors là, ça ne marche plus. C'est ça le problème. Traite-le donc comme un être humain, pas comme un conjoint. C'est ma douce moitié. Oui, oui, un rude souvent. Mais c'est pas ta moitié. Toi, tu es une entité à part. Tu es une entité complète. Il y a de l'intelligence de s'allier. Que même si c'est juste sexuellement, énergétiquement ou financièrement, il y a de l'intelligence de s'allier. Sauf que tu restes un être à part maintenant. Dans l'Antiquité, l'humain était un demi-être. Alors, effectivement, il recherchait. Mais remarque que dans l'Antiquité, on ne choisissait pas autant. Mais aujourd'hui, on est rendu sélectif, on vous dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin. La femme a de moins en moins besoin de l'affection de l'homme parce qu'elle est capable de se supporter. Alors, évidemment, elle choisit, tandis qu'avant, elle ramassait n'importe quel gros bras. L'homme, c'est pareil. L'homme ramassait n'importe quelle paire de fesses. Mais aujourd'hui, je commence à choisir. Pourquoi? Parce que de moins en moins, il en a besoin. Certains en ont encore énormément besoin, mais de moins en moins, les humains nord-planétaires en ont de moins en moins besoin. Alors, nécessairement, ils sont plus sélectifs. Et c'est intelligent et correct. Donc, dans le couple, on doit se dire, tiens, OK, on divorce. Toutes les couples ici présents ce soir, vous devriez divorcer. Mais pas légalement. Oubliez le mariage. Et décidez que vous restez ensemble parce qu'on est deux amis. Et on partage les mêmes choses parce que c'est intelligent. On partage le même genre de vie parce que c'est agréable. On est deux amis. Alors, j'aurai peur de te perdre et je considérerai comme étant normal que tu fasses ce que tu veux. Alors, finalement, je n'aurai plus peur de te perdre. Je te respecterai en tant que ce que tu es et non pas en tant que ce que je t'oblige à être pour moi. Tu deviens mon ami. Alors, si tu es mon ami, on peut camper ensemble, on peut voyager ensemble, on peut aller voir deux vues à deux places différentes. On est libre l'un de l'autre. On n'est pas pogné. On n'est pas attaché, on est libre l'un de l'autre. Ouais, mais là, on a qu'un enfant. Tu vas voir ce vie-là, moi, je vais voir ce vie-là, puis on va amener l'enfant tous les deux. L'enfant, c'est pas un bidule, pas un jouet. Alors, l'enfant, demande-lui donc ce qu'il veut aller. S'il veut pas y aller, qu'il n'y aille pas. Puis s'il veut aller, il choisira. Simple. Ben simple. L'enfant, c'est un ami. T'obliges pas ton ami de venir avec toi. C'est un ami. Tu l'obliges pas. Sauf que tu peux expliquer à un ami. Hein? Moi, j'ai des amis qui ont 8 ans, qui ont 6 ans. Alors, évidemment, quand il y a des choses dangereuses, je leur explique. Et si je sais qu'ils ne peuvent pas comprendre, je mets une certaine forme d'énergie. J'éduque. Je deviens pédagogue. Mais je ne suis pas un maître pour autant. Je suis un ami. Alors, si tu es, chaud, sous, tu ne peux pas savoir que si tu prends ton automobile pour entrer dans une soirée de verglas, que tu peux te tuer ou tuer des gens. Je suis ton ami, je dégonfle tes pneus. Je vais être ta clé, je fais quelque chose. Et c'est pas parce que je suis le boss, c'est pas parce que c'est moi qui décide, il va faire ce que je veux. Non. Alors ta femme, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ton mari, qu'il fasse ce qu'il veut. Tant que ça rentre dans un cadre de sécurité humaine. Et c'est quoi le cadre de sécurité humaine? C'est là que l'émotion rembarque. Oh, mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Non, mais parfait, tant mieux. Normal, c'est faire comme tout le monde. C'est normal de fumer, hein? C'est de moins en moins normal de fumer. Pas normal, ça se fait pas. Ça se fait, la preuve, il le fait. Alors, les libère. Cesse d'aimer, cesse de posséder. Et lentement, l'humain se dirige vers l'amour intelligent, vers l'amitié. L'amitié, ça permet à deux êtres complets de rester complets tout en se côtoyant. Tandis que l'amour sélectif, l'amour psychologique de l'homme ancien, qui est encore vécu par la personne transitive, ça oblige deux êtres globaux à faire des compromis pour arriver à vivre une relation. C'est ridicule. C'est simple, je le dis souvent, c'est bon de le répéter parce que ça explique tellement bien. Hein, deux oiseaux, ça vole. Attache-les ensemble, ils ont quatre ailes, ils peuvent plus voler. C'est ce qui se passe avec l'humain. T'es heureux! Tu te rends compte, t'es heureux! Après 10 ans, t'es tout démoli. Reste ami. Alors, marie-toi si ça peut être économique. Marie-toi si c'est bon pour la belle famille. Marie-toi si c'est bon pour ta psychologie. C'est correct. Marie-toi devant le juge, marie-toi devant le prêtre, ça n'a aucune importance. Quelle que soit la religion, aucune importance. Mais il faut bien penser que c'est pas une fusion de deux entités. Ça l'était dans le passé, ça ne peut plus l'être aujourd'hui. Le mariage doit être une chose intelligente maintenant et non plus une chose conceptuelle, psychologique ou émotive ou théologique. On ne peut plus. C'est comme avoir des enfants. À l'époque, on faisait des enfants émotivement. La femme était tenante, elle faisait un enfant. Ça l'occupait. La femme, elle s'ennuyait. Elle avait un enfant pour jouer les cheveux, changer les couches. T'sais, c'est correct. Elle pouvait s'inquiéter. Elle avait une raison de vivre. Bon, on mettait des enfants au monde pour ça. 12, 13, 14, 15 à l'appel. Depuis qu'on a inventé la télévision, il y en a moins. Bon. Mais quand même. Aujourd'hui, tu dois penser avant d'agir. Donc, si tu mets un enfant au monde, c'est que tu permets à une entité améliorative d'avoir un corps dans un cadre particulier et tu devras fournir un tiers de ton cadre. Deux enfants, un quart de ton cadre. C'est pas le choix. L'amitié permet à l'enfant de dire non. À la femme de dire non. Au mari de dire non. C'est ça, l'amitié. À l'instant où tu ne permets pas cela au nom de ton amour ou au nom de la normalité ou au nom de tout ce que tu voudras, tu n'es pas un ami. Tu es un ami énergétiquement, mais tu n'agis pas sur le palier de l'amitié, tu agis sur le palier de l'orgueil de l'homme, de l'amour sélectif, de la raison émotive, théologique ou n'importe quoi. T'es laissé ton enfant mourir parce que tu refuses qu'on y transfuse du sang au nom du fait que Jéhovah l'aurait fait l'aide avec une chapine de sang de plus s'il aurait voulu qu'il y ait une transfusion sanguine. C'est pas de l'amitié. C'est de la stupidité. Et on va dire, oui, mais je parle contre, je ne parle pas contre, je parle contre l'ignorance de l'homme. L'éthiologie, c'est parfait. Tu transmutes de l'âme de l'un dans le corps de l'autre. C'est un fait. Le sang est hormonalement le messager de l'émotion, donc de l'âme. Sauf que le globule rouge transféré va être détruit dans quelques semaines, si c'est pas dans quelques heures. Donc, la personne, elle va recevoir une partie de l'émotivité de l'autre. Elle l'aura le supporter pendant un laps de temps. Mais l'être humain est mauditement plus constitué que ce qu'on pense. Et c'est pas long que c'est réglé. Alors, tu peux dire, j'aimais mon enfant, il est mort, pourquoi? Parce que j'ai pas voulu, tu sais, non, une grève de foie, non. Grim, tu perds bien tes dents, ton rieux, tu perds bien ta peau, tu perds bien tes cheveux. Puis, tu vas remettre ton corps à Dieu qui est morceau en moins. T'as pas le choix. Tu manges une pomme, cette pomme-là, ce n'est pas toi. C'est donc une greffe d'éléments que tu fais quand tu manges. Oui, tu remplaces le calcium de tes os. C'est quoi? C'est pas une greffe. Tu permets au fer de créer l'hémoglobine et de créer des cellules, les globules rouges, qui vont transporter le sang. C'est quoi? C'est pas une greffe quand tu manges puis quand tu bois. L'eau devient ton sang. Ça vient de l'extérieur. Hein? Surtout que de Montréal, ça vient d'Ottawa. Ça vient de d'autres humains avant. C'est pas une greffe, ça? Elle passe pas par des tubes stériles, elle passe par les égouts de la rivière. Mais c'est une greffe. Tu manges n'importe quel aliment, tu ramasses tout ce qui n'est pas toi, ça devient toi et un jour, ça ne sera plus toi. Tu passes à travers la matière. Que la matière provienne d'un autre, ou provienne d'un animal, ou provienne d'une plante, ou provienne de l'air, c'est la même chose. C'est pourquoi que je dis que ça devient con d'agir comme ça. Sauf que dans certaines conditions évolutives, c'est intelligent, c'est pourquoi c'est encore permis. Alors, je vais pas leur dire. C'est le job. Ils seront jours. L'amitié, c'est de réinvestir dans l'humain. Alors, en tant que couple, sachez que vous êtes des amis avant d'être un couple. Unis pour toujours. Promesse, là. Commençons par être amis. Et que ça va donc faciliter les choses. Invoque les questions rapidement. Lis-les vite, me répondre vite. Il y a quelqu'un qui a écrit un genre de petite lettre. Je viens au centre depuis votre ouverture et ça m'a permis de m'adapter à la vie. Conséquentiellement, ok, lis le reste. Okay. Je suis bien et heureux, mais ce soir, j'ai comme une certaine nostalgie en pensant que je ne reverrai plus ce salon qui m'a procuré tant de connaissances. J'aimerais que vous me parliez de l'énergie de ce salon et l'énergie du prochain. Bon, bien brièvement, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est que la personne qui a de la nostalgie, c'est qu'elle se fait charrier. L'évolution, l'amélioration, c'est le changement. La condition même de la définition d'amélioration, c'est le changement. Le changement veut dire arracher une peau pour qu'une peau neuve apparaisse. C'est ça, le changement. Ce salon ici a été construit en 1983 pour différentes raisons énergétiques et ésotériques. Vraiment, la personne qui l'a conçu, elle savait qu'une ère nouvelle, c'est-à-dire qu'une conscience nouvelle, que quelque chose de neuf naissait au Québec, un langage neuf, un véhicule neuf. Et en même temps, par suffisamment d'anégorisation, elle a pensé de mettre son argent au service de ceux qui avaient la parole. Je l'ai rencontrée à un moment donné, dans le début, elle me demandait « Comment tu trouves le salon? » Bon, j'ai dit « Ça fait snob pas mal. » Alors, elle me dit « Ce que je fais, moi, ce qui arrive, c'est que, suite, je fais des conférences, je réponds oui, quelques-unes. Où? Ben, j'ai dit une fois dans un sous-sol d'église, une fois dans un hôtel, une fois dans un gymnase-école. Il dit, moi, j'ai suivi des cours, j'ai rencontré des gens qui avaient la parole, qui parlaient. Et continuellement, on était assis à terre, sur des coussins, sur des chaises de bois, dans des places, etc. Alors, je me suis rendu compte que ceux qui avaient la parole n'avaient pas l'argent, puis que ceux qui avaient l'argent n'avaient souvent pas la parole. Je me suis dit, j'ai bâti ça ici, pour mettre un peu plus de luxe, c'est-à-dire de confort, d'intelligence, de, disons, pas de... mettre un standard un peu plus élevé à la condition évolutive de l'homme. Est-ce que c'est nécessaire d'être toujours confiné à être dans des sous-sols ou à être dans des endroits mal organisés pour pouvoir apprendre des choses? Alors, ce bonhomme-là, il a dit, j'ai pas énormément d'argent, mais est-ce que je suis capable de vivre sans ce que j'ai? J'ai mis ça ici pour permettre à ceux qui ont la parole de pouvoir fonctionner. Alors, quel que soit celle-là, je trouvais ça brillant. Alors, j'ai commencé à faire des conférences ici, et rapidement, j'ai découvert qu'effectivement, le salon, ce n'était pas lui qui l'avait décidé. Pas parce qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour le décider, mais parce que ce salon était trop intelligent pour avoir été pensé par un humain seul. Le bois de chêne est du bois massif. Alors, pourquoi il n'a pas pris du plywood plaqué? Coûte cher en maudit. Sauf que plus une matière est dense, plus elle conserve de l'énergie. Et il y a énormément de personnes qui, par la suite, quand j'ai commencé, il y avait 15-20 personnes dans les conférences. Il y en a qui partaient chaudes, saoules. Il fallait qu'ils restent. Il y en a qui perdaient connaissance. C'est déjà arrivé une fois. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que lorsque l'énergie est conservée par de la matière dense, et c'est le problème qu'on va rencontrer souvent dans des constructions qui ne sont pas correctes. Rentrez dans une vieille église en pierre et vous verrez ce que je veux dire par conserver de l'énergie. Alors, donc, le chêne, c'était impeccable. Le décor était pycéen, c'est-à-dire relié à ce qui servait de base à l'humanité nouvelle, c'est-à-dire à la tradition. Donc, génial, respect au passé. Les tableaux, c'est des ondes de forme. C'est ça, on va en parler la semaine prochaine de toute façon. Mais les tableaux, alors à un moment donné, on m'a posé la question, pourquoi ces tableaux ici? Je ne savais pas pourquoi. Alors je l'ai expliqué et je l'ai appris. Moïse, c'est celui qui a fusionné les religions polythéistes en une religion monothéiste. Le bonhomme qui est là-bas et qui est la réplique exacte d'une statue que l'on retrouve à Rome. Eh bien, Moïse, c'est absolument génial. C'est premièrement le père de l'alchimie. C'est un grand chimiste, mais disons sa sœur surtout. Et il a été le premier unificateur de l'évolution de l'homme. Le deuxième, Pythagore, le père de la mathématique. Alors, je crois que sans mathématiques, on aurait des gros problèmes. D'accord, ce sont les Mayas qui ont inventé le chiffre zéro. Et ce sont les Arabes qui ont inventé les phénomènes, disons, décimales, rendus décimales avec le zéro. Mais Pythagore est le père de la mathématique moderne sur laquelle se base la science et sur laquelle se basera aussi l'esthétique de l'onde de forme, c'est-à-dire l'humanité nouvelle. Alors, Pythagore a sa raison d'être. Pas spirituellement, mais au niveau de l'onde de forme, il soutient l'humanité de par son existence. Alors, après ça, on a le Nazaréen. Le Nazaréen qui a été l'instigateur d'un nouveau chemin, l'amour, pas l'amour sélectif, c'est aimer même vos ennemis. Ça a été compris par l'humanité. Il y a beaucoup qui ont trippé là-dessus. Mais il tapait ceux qui ne trippaient pas. Bon, pas plus grand-chose. Le Nazaréen a donc été celui qui a laissé les plus grandes mémoires d'une transformation. Elle a été colorée par l'humain. N'empêche. Pourquoi je parle du Nazaréen et non pas de Jésus de Nazareth? Pour la simple raison que Nazareth a été baptisé ainsi 300 ans après la disparition du Nazaréen. Et le Nazaréen faisait partie de la secte nazaréenne, affiliée à la secte essénienne dont venait Melchisédek, le prêtre qui était l'instigateur de la première guérillera, les Zélotes. Alors, en fin de compte, le Nazaréen, que lorsqu'il parlait des gentils, il parlait évidemment des thérapeutes grecs, des Nazaréens et des Esséniens. Il est donc Nazaréen. Michel de Nostradamus, celui qui a le plus perturbé l'humanité avec ses centuries, et dans la majorité des cas, ses centuries se sont révélées relativement vraies. Le comte de Saint-Germain, qui a vécu dans ce décor, et même ses fauteuils, ce sont des authenticités qui ont été trouvées comment? Comme ça. Bon. Alors, comme ça, c'est intéressant. Le comte de Saint-Germain qui a inventé différentes textures de couleurs, qui a inventé presque tout ce que les femmes se servent pour se maquiller. Et évidemment, c'est l'une des grosses industries après l'industrie pharmaceutique sur la planète. Il a révolutionné le monde, il a permis la signature de l'indépendance américaine, il a inventé la locomotive, enfin, on pourrait en parler longtemps sur lui. Il a même inventé les mitraillettes et le parachute. Paracelse ici, qui est le père de la chimie moderne, alchimiste à l'époque, père de la chimie contemporaine, c'est-à-dire que c'est le premier qui a placé des choses par écrit avec Hermès, il a aidé un peu par Hermès, mais surtout Paracelse, et père aussi d'une des parties de la médecine. Platon, bah, la philosophie, alors, je pense qu'on a suffisamment d'écoles qui en enseignent, les universités aussi. Platon est l'un des pères de la lignée philosophique qui supporte encore les conditions sociales et politiques aujourd'hui. Salomon, le plus fiefé rusé homme de la planète. Certains disent 400 concubines, d'autres 4000. Enfin, il y avait soif. L'un des plus grands rois est le seul qui, selon la théologie, demande, Dieu vient le voir et lui dit, « Hey, Balaam, tout ce que tu veux, je te le donne. Si tu veux des armées puissantes, je te les donne. » Salomon répond, « Non, je ne veux pas. Veux-tu la richesse? Je te la donne. » Non plus, pour ça m'est rendu que Dieu lui donnait ça. Veux-tu le pouvoir? Salomon dit non. Veux-tu des femmes? Salomon dit non. Des mamans, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Salomon a répondu, je veux un cœur intelligent. Alors, Dieu lui répondrait dans les écrits, je te donne ton cœur intelligent. Et nécessairement, avec ça, tout le reste est donné. C'est le premier qui a su allier l'idéologie supramentale de l'idéologie émotive, c'est-à-dire d'associer le cartésianisme à l'émotif théologique. On a la science et la religion. Madame Messie a réussi à fusionner les deux bien avant qu'on sache que ça existait. Hermès Trismégiste, père aussi de la médecine, on peut remarquer le caducée, la médecine contemporaine, la santé. Or, je crois qu'effectivement, ces peintures avaient amenait une condition énergétique hautement intéressante. En déménageant de l'autre côté, évidemment, la condition ondoformique, l'onde de forme, d'ailleurs, c'est ce que commence bien la conférence, attention aux ondes de forme. Il y a des ondes de forme dangereuses qui rendent malades, qui affaiblissent, qui stressent, qui rendent énergétiques, qui guérissent, qui permettent des meilleures relations, etc. Le salon de l'autre côté, énergétiquement, on se lance vers l'avenir. On a commencé, le centre de l'universalité est apparu sur les bases de l'ère piscéenne, et de l'autre côté, ce sera une base de l'ère aquarienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ère du Verseau au niveau astrologique. Ça n'a rien à voir avec, disons, la théologie, mais présentement, notre système solaire pénètre dans un système, disons, planétaire ou, disons, stellaire, qui porte le nom de Verseau. Il est dedans depuis quelques années, d'ailleurs. Alors, au niveau de l'onde de forme, de l'autre côté, on va en reparler, mais c'est bien évident que ce sera modernement futuriste. Intéressant. Enfin, vous verrez. Si je nuis à mon partenaire, j'en conclus que je ne peux être son ami. Je ne veux pas être une enclume, mais ai-je le choix? Et parce que je passe mon temps à lui nuire, qu'est-ce que je fais pour moi? Si la personne ne veut pas être une enclume pour son conjoint, nécessairement, elle est un ami. Comprenez bien que le fait d'être un ami n'est pas visible dans l'efficacité de votre démarche. Oh, moi, je ne suis pas un bon ami, faites trois fois, je veux l'aider, puis j'y nuis. On dit que l'intention compte, restez là. Faire mieux, c'est intéressant. Mais l'intention énergétique, pas l'intention éducative. C'est important. Alors, la personne, elle ne veut pas être un enclume. Donc, en partant, elle pense qu'écologiquement, ce serait intéressant de ne pas nuire à l'autre. Elle est son amie. Est-ce qu'elle y arrive? C'est une autre question, mais elle est son amie. Devenez. Bon, quand je dis s'arranger pour devenir des amis, il faut bien comprendre ceci. Vous ne pouvez pas devenir des amis, vous l'êtes. Mais arrangez-vous pour vivre vos relations dans la dimension de l'amitié. Et non pas dans la dimension du concept stéréotypé d'appartenance. Vivez en tant qu'ami. Vous avez des amis. Vous entendez bien avec vos amis. Des fois, vous préférez être avec vos amis. C'est parce que le bonhomme ou la bonne femme s'est mopé, s'est raté. C'est pas un ami. Alors, on doit s'arranger pour vivre en condition d'amis. Les deux. L'idée est stéréotypée, par exemple, que l'homme doit inviter la femme. Si elle est libérée, bien, la femme invite l'homme. Il y a plein de concepts qu'on doit abandonner. Vous avez des amis, vous savez comment ils fonctionnent, et je répète que l'important, c'est d'être un ami envers vous-même et d'être un ami envers les autres et de ne pas rechercher d'amis. N'en trouverez pas. Si vous recherchez des amis, vous allez être prêt à donner. Alors, vous allez ramasser des têteux. C'est très important. Vous, ça vous tente de donner, donner. C'est pas nécessaire de l'empacter. Avec pour... voici l'adresse de retour dûment franchie pour envoyer le merci. Pas nécessaire. Ceci vient de moi-même. Je te donne cela humblement. Je ne recherche pas de remerciements car je sais que tu apprécieras quand même. Ne m'en parle plus et essaie d'oublier comme je le fais déjà. Oui, là. Non. C'est ce qui arrive souvent avec les couples. Êtes-vous prêt à servir toute votre vie vos amis? Certains y sont confinés parce qu'ils ont été mal programmés. La majorité vont répondre non. Alors, vous n'avez pas servi votre conjoint. Travaillez ensemble, travaillez avec. Ou même rester ensemble, vivez deux vies différentes, ça ne change rien. Vous vous porterez mieux. Vous portant mieux, vous allez vivre une meilleure relation. S'il y a des enfants, ils seront mieux. À un moment donné, on va revenir sur l'amitié pour parler des problèmes, du stéréotype que nous avons. Je vous ai expliqué ce que devait être l'amitié. À un moment donné, il faudra en faire une pour expliquer ce que c'est pas. Alors, être un enclume enclumé, j'ai expliqué dans une conférence que c'était évolutif pour l'autre. Sauf qu'on a simplement à le traiter en ami et on se rapproche de l'amour intelligent, laissé libre et respecté. Votre fils a 16 ans, elle veut sacrer son camp, dites-lui bye-bye. Vous le respectez. Dites-lui non, vous ne le respectez pas. Vous allez dire non, je lui interdis parce que je l'aime trop pour qu'il parte souffrir. Vous le possédez trop. Vous ne le respectez pas. Votre mari ne veut pas sortir avec vous. Vous allez vouloir le manipuler, le culpabiliser, le traiter de ceci, de cela. Vous ne le respectez pas. C'est l'inverse pour l'autre. Respectez. Agissez comme si vous étiez avec des amis. Ça marche. Ça marche facilement. Certains vont dire, ouais, mais ça veut dire que moi, tu sais, si j'ai un ami, je reste avec, on paye moitié-moitié la bouffe. Si l'autre ne travaille pas, ben, il faut qu'il se démerde. Si l'autre ne travaille pas, elle peut rester avec, hein? Là, vous restez avec. Vous avez signé le contrat avant. Voilà. Maintenant, supporter et adapter. Parce qu'être un ami, ça ne veut pas dire se libérer de toutes nos contraintes et essayer de s'arranger pour être dans un désert seul où on a juste des esclaves. Je répète qu'être un ami, c'est investir dans l'humain. Il est intelligent d'aider autrui. Pas pour ce que ça va nous rapporter, mais pour ce que ça rapporte à l'humanité. Et quand l'humanité va bien, ça marche. Une petite feuille, tête de la sève d'une branche d'arbre, qui est pluguée sur un arbre, pluguée au sol, et que ça va bien à tête, tête, tête, tête. Puis là, je dis, pourquoi laisser pour les autres? Pas besoin des autres, moi. À tête, à tête, à tête. La feuille du voisin, côté, elle meurt. À tête, à tête, à tête, l'autre meurt. À tête, à tête, à tête, l'autre meurt. Et à un moment donné, il n'y a plus de feuille avec elle. Et qu'elle meurt. L'arbre meurt. L'arbre meurt, la feuille meurt, elle tombe à terre, c'est fini. C'est ça, l'évolution. C'est ce qu'il faut comprendre. La feuille va dire, ouais, non, non, pas à cause des gens, sauve une que je sauve l'arbre. Non. Commence par une. C'est ça, le travail individuel. L'humain travaille collectivement. On est une feuille sur un arbre, la planète. La branche, c'est le continent nord-américain. Petit rameau qui décolle de la branche, c'est peut-être le Canada ou le Québec. On est des feuilles. L'amitié, c'est la relation, l'accréditation des autres feuilles. Elle est toute pliée, elle ne veut pas se déplier. C'est sa job de se déplier. Si à un moment donné, elle vient me voir, elle dit, peux-tu m'aider? Là, je peux peut-être l'aider. Mais je ne cours pas après les problèmes des autres. Un ami ne va pas voir si vous avez des problèmes. Un ami ne pose jamais la question, comment ça va? Premièrement, il se coûte carrément de savoir comment vous allez. Hein? C'est la relation, c'est le contexte politesse. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben, bon. Hein? Si, comment ça vous croit que vous avez ces problèmes? Vous allez regretter d'un coup ça. En partant, on s'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous rencontrez des personnes, puis la personne, si elle a besoin d'aide. Oh, mais moi, je demande jamais, moi! Demande pas, mon petit, puis continue à crever. La journée que tu auras appris à demander, que tu auras suffisamment de respect dans l'homme pour savoir qu'on peut demander, tu auras peut-être une réponse. Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, n'est-ce pas? Ouais, mais ils devraient le savoir! Ouais, mais ils devraient le savoir! Moi, je m'organise pour rien savoir. Demande-les. 5. Ouais, mais il pleut, t'aurais pu me conduire à l'école! T'as bien qu'à me le demander. Oh, faut juste te le demander, toi! Et oui, t'as bien ça. Je peux pas passer mon temps à tout checker voir s'il vous manque quelque chose. Parce que c'est trop cave, faut le demander quand il vous le demande. Parce que quand il vous le manque. Mais non, demande-le. Si je peux, c'est oui, si je peux pas, c'est non. 5. Vive en ami. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en affinité avec quelqu'un sans pouvoir prendre un contact réel avec cette personne? Est-ce que l'affinité ressentie est une illusion? L'affinité ressentie n'est pas une illusion. Le mur qui vous empêche de prendre contact avec est une illusion. Il y a une condition psychologique, éducatrice, sociale, théologique, émotive qui vous empêche de prendre contact. 5. Alors, il y a soit que vous pensez trop médiocre, soit que vous pensez trop différent, c'est peur d'un échec, peur d'un refus, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. L'humain peut tout, sauf quand l'humain pense qu'il ne peut pas, bien là, il ne peut rien. Bien simple. Il n'y a pas d'illusion dans l'idée. Vous ne pouvez pas penser, il semble que ça sent bon. Et tout le monde trouve que ça pue. Peut-être que mon nez n'est pas correct. T'sais, toi, tu trouves que ça sent bon, sens-la. Les autres iront sentir ailleurs et ça les regarde. Alors, est-ce que c'est une illusion, l'affinité que j'ai vers quelqu'un? C'est pas une illusion, vous avez une affinité. Elle est vibratoire, elle est émotive, elle est mentale, elle est énergétique, elle est supramentale. Elle vous regarde. Si votre ego n'est pas prêt à la supporter, vous aurez de la difficulté à établir un contact, mais ça vous regarde. C'est vous le problème. Avant le mariage, j'avais vu l'illusion de l'amour. Avant, il était un ami, maintenant il est mon enclume. Il ne peut être encore un ami parce qu'il comble mes désirs émotifs, mais c'est quand même intelligent. Cosmiquement, est-il un ami? Il ne peut pas être un ami. Vous devez être un ami. L'homme doit savoir qu'il ne peut pas rechercher d'amitié autour de lui. Ça ne se commande pas. Nous sommes amis. Vous et moi, nous sommes amis. Sauf que nous pouvons fonctionner sous la relation d'amis, un peu comme un général qui parle à son caporal. Il peut lui dire « c'est un ordre en tant que général », puis en tant que père, c'est un conseil. De différentes relations. Alors, en tant qu'ami, je te demande de le faire. En tant que boss, je te l'ordonne. Ça dépend à comment on veut fonctionner. Nous sommes des amis. Nous pouvons fonctionner de maître à disciple, c'est tout à fait imbécile. On peut fonctionner d'autorité à connerie, c'est aussi stupide. On peut fonctionner en tant qu'ami. Cela veut dire que si vous venez pour me parler et que je vous dis, j'ai pas le temps, ça me tente pas, vous dites parfait, bye bye. On sera amis. Une autre journée, vous venez, ça va me tenter parce que je sais que vous t'étiez pas. Et on marche toujours comme ça. L'autre ici est devenu une enclume. Pourquoi? Parce que vous l'avez conditionné et vous avez fini par vous posséder mutuellement l'un l'autre. Exorcez-vous, devenez des amis. Ouais, mais comment faire pour que l'autre sache qu'il doit devenir mon ami? Devenez un ami. Simple. Cessez de nuire.